Le 21 mars dernier a eu lieu à Lyon Sciences, un événement organisé par nos amis lyonnais, membres ou proches du Café des Sciences, qui faisait un peu suite à un événement qui avait eu l'an dernier, où plusieurs lyonnais et non-lyonnais s'étaient réunis pour parler de science. Podcast Science y était cette année, pour quelques prestations, et donc on en a profité pour enregistrer tout ça. Donc ce qui suit, là, que vous allez entendre maintenant, c'est pas un épisode habituel de Podcast Science, mais plutôt le montage de ces merveilleux événements. Pour plus d'informations et retrouver les versions écrites des interventions et puis les informations pour l'année prochaine, on ne doute pas qu'il y aura un nouvel événement de ce type, n'hésitez pas à vous connecter sur lyon-science.fr. Et donc, bonne écoute! Bonjour à tous, donc bienvenue à Lyon Sciences 2015. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait la première édition de Lyon Sciences parce qu'on en a fait une, mais on était 7 ou 8 dans un resto. Puis je ne sais pas si on avait trop bu ou pas, mais on s'était dit que ça serait bien de faire ça avec un peu plus de monde. Et on s'est dit qu'on connaissait tous des petites choses en chimie, en physique, en mathématiques, et que plutôt que, de le garder pour nous, on allait en parler un petit peu à tous. Donc vous verrez, je ne vous dis pas le programme, peut-être que certains l'ont déjà lu. Ça va durer à peu près 2 heures. Des petites interventions, 5 minutes, autant de questions que vous voulez, pas trop quand même. Des dessins réalisés en particulier par Mel, qui est déjà à l'œuvre. Et puis voilà, donc vous en aurez normalement pour votre argent. J'ai pas grand chose de plus à dire. Merci à tous ceux qui sont là. Je fais pas de remerciements plus que ça, puisque il y aura David qui s'occupera du mot de la fin. Et merci à Simon Meyer qui sera là aussi pour parler un petit peu de son expérience de directeur du planétarium de Vaux-en-Velin pour finir un petit peu l'après-midi. Ok. Du coup, on va commencer avec la première intervention, qui sera justement l'intervention de Martin, qui va nous parler, qui va nous parler de chimie prébiotique. La chimie prébiotique, c'est la chimie avant le vivant. Alors moi, c'est un thème que j'apprécie particulièrement depuis de nombreuses années, depuis que j'ai commencé la chimie ici à l'École normale supérieure de Lyon. Et je vous avoue qu'au moment où j'ai balancé l'idée, ça y est, je vais parler de ça, je me rendais pas compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient tous les jours dans ce domaine-là. Et donc c'est un petit peu ce dont on va parler maintenant. Donc je vais vous présenter finalement une toute petite partie de ce qu'on appelle la chimie prébiotique, c'est-à-dire comment finalement la matière organique, ce qui constitue aujourd'hui le vivant, est arrivée sur Terre, ou du moins comment elle est apparue. Alors c'est quoi cette matière ? C'est les premières briques élémentaires du vivant. Alors quel vivant ? Ça a pas mal changé. Est-ce que c'est d'abord les acides aminés constituant des protéines qui sont apparues ? Est-ce que c'est d'abord les bases azotées qui ont constitué l'ARN qui sont apparues en premier ? Ça fait partie des vastes débats qui animent les chimistes de ce domaine-là. Moi, je vais me placer encore plus en amont. La question, c'est comment est arrivée la matière organique, c'est-à-dire des molécules qui sont constituées principalement de carbone, d'hydrogène et puis un petit peu d'azote et d'oxygène pour compléter le tout. Alors, les chimistes cherchent depuis pas mal de temps d'où peut provenir cette matière-là. En fait, l'expérience qui a vraiment fait débuter cette aventure, c'est la fameuse expérience de Stanley Miller dans les années 50. En fait, c'était un chimiste qui avait décidé de faire passer des décharges électriques dans une atmosphère qui était censée représenter celle d'il y a 3,5-4 milliards d'années. Ça a marché très bien, il a obtenu plein d'acides aminés, de choses comme ça, sauf que en fait, il s'est un petit peu trompé, on s'est rendu compte que depuis, l'atmosphère de cette époque-là ne correspondait pas du tout à la composition testée, et en fait, les expériences qui ont été réalisées depuis, ça marche beaucoup moins bien. Donc c'était quand même le point de départ de la chimie prébiotique expérimentale, mais depuis, on a fait pas mal de choses. Alors je ne vais pas énumérer toutes les possibilités qu'on a comme source de cette matière-là, puisque les chimistes ont une imagination débordante, mais il y a deux possibilités qui sont particulièrement saillantes, particulièrement probables. Il y en a une qui concerne l'espace. Oui, les chimistes ne sont pas du tout extrémistes. C'est soit l'espace, soit en fait moins 5000 mètres de profondeur sous les océans. Entre les deux, il n'y a rien qui se passe. Donc je vais d'abord parler un petit peu de l'espace. En fait, il y a une météorite qui est tombée à Orgueil, je crois que c'est en Haute-Garonne, dans la Garonne, j'ai un doute d'un coup, et qui était une chondrite qui contenait beaucoup de matière organique. C'était une météorite qui a été étudiée dans les années 1850 par un chimiste qui s'appelait Berzelius. Bon, la matière organique dedans, c'était du charbon, hein, peu de choses près. Mais c'est la première fois qu'on pouvait commencer à se dire que eh bien, la vie pouvait venir d'ailleurs que de la Terre. Ce qui a, la météorite qui a été beaucoup plus étudiée ensuite, c'est en 1969, la météorite de Murchison, qui est tombée en Australie, qui faisait plus de 100 kilos. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des acides aminés et des molécules complexes qui pouvaient donner les premières bases, les premières briques du vivant. Alors, il y en avait beaucoup. Hein, on s'est rendu compte que si jamais on additionnait un petit peu toute la matière qui était tombée sur la Terre, eh bien, ça représente plus que toute la matière organique présente dans la biosphère actuellement. Donc, ce n'est pas une source anodine de matière première. N'oubliez pas, à titre de comparaison, qu'on estime que toute l'eau présente dans les océans vienne de comètes. On a eu pas mal de bombardements il y a quelques années de ça. La seconde source possible, c'est donc le plancher océanique. Alors, il faut imaginer qu'au niveau des dorsales océaniques, il y a des zones où la croûte terrestre est très fine. Et donc, on a la présence du manteau qui est très proche de l'eau. Donc, il y a de l'eau qui s'infiltre dans les roches, qui passe à proximité du manteau, qui chauffe à 400, 500 degrés. Bon, il y a une très forte pression, donc c'est possible. Qui se gorge de minéraux au passage et qui vont rejaillir sous forme de fumeurs noires. Vous avez peut-être déjà entendu le terme. C'est ce qu'on appelle les sources hydrothermales. Alors, c'est les sources qui n'ont pas été identifiées depuis très très longtemps. C'est vraiment la seconde partie du XXe siècle, avec des submersibles qui pouvaient aller à moins 1000, moins 2000, moins 5000 mètres de profondeur, dans lesquelles il y a une vie extrêmement riche, des vers, des crabes, des poissons. Mais au-delà de cette vie-là, qui ne nous intéresse pas, puisqu'elle a déjà été formée, il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer toutes les molécules qu'on veut. Il y a ces minéraux qui sont en suspension dans l'eau grâce à ces fumeurs noires. Il y a de la matière organique, pré-organique, donc du carbone, des sources de carbone, d'oxygène, d'hydrogène. Et il y a donc de l'énergie thermique. Alors, on est à Lyon. Hein. À Lyon, on aime beaucoup la chimie organométallique. Pourquoi ? Ben parce qu'on a eu un Victor Grignard, prix Nobel de chimie en 1912, qui travaillait sur les organomagnésiens. On a eu un Yves Chauvin qui est décédé il y a quelques jours, qui est prix Nobel 2005 sur la métathèse, qui concernait aussi des réactions de chimie organométallique. Et donc, on aime bien cette idée de la naissance des premières molécules organiques dans les sources hydrothermales grâce à de la catalyse métallique. Il y avait des atomes de fer, de zinc, de cuivre qui auraient pu, qui ont sans doute, sans aucun doute même, permis la formation de premières molécules organiques. Alors, le problème, c'est qu'on sait mieux explorer l'espace que ce qu'on sait explorer les fonds sous-marins. Il y a eu très peu d'expériences qui ont pu être menées, quelques prélèvements. On sait qu'il y a des hydrocarbures de 5 à dizaines d'atomes de carbone qui sont d'origine parfaitement abiotique, donc qui sont apparus sans aucune intervention du vivant. On n'en sait pas beaucoup plus, mais des expériences en laboratoire essayent de reproduire ces conditions-là. Donc, voilà ces deux sources. L'océan, moins 5000 mètres, entre moins 1000 et moins 7000, l'espace, et entre les deux, ben, pas grand-chose. Pour finir, juste un petit point par rapport aux actualités qui touchent cette chimie prébiotique, je vais vous en citer deux et demi. La première, elle concerne une équipe française qui a travaillé sur des glaces interstellaires. En fait, ils ont reproduit en laboratoire la synthèse de ces glaces pré-cométaires, donc celles qui vont donner naissance aux comètes, et ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à obtenir beaucoup d'espèces chimiques nouvelles, organiques, des sucres en particulier qui n'avaient pas pu être obtenus autrement, des acides aminés et d'autres choses. La seconde nouvelle, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler des geysers d'Encelade, qui est un satellite de Saturne. Ces geysers qui font 95 degrés, c'est de l'eau. Mais il y a aussi, détecté par des télescopes dans le domaine de l'infrarouge, si je ne me trompe pas, il y a aussi de la matière organique, des hydrocarbures, ce qui laisse penser que les sources hydrothermales elles fabriquent de la matière organique aussi à l'autre bout du système solaire. Et enfin, la demi-actualité, c'est Philae, le petit robot sur Yuri Gerasimenko, qui doit se réveiller, qui devait se réveiller entre le 11 et le 20 mars. Et on attend toujours ses nouvelles et surtout des nouvelles de ses instruments, puisqu'il y a à bord, il y a des détecteurs justement qui permettraient d'établir l'existence ou non de matière organique sur ces comètes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Martin. David va se promener dans le public avec un micro, si jamais vous avez des questions pour Martin. On a une première question du docteur Goulu. Philippe, ça marche ce micro ? Oui, ça marche. Oui, j'ai toujours eu un petit peu le problème avec le terme de chimie, je ne suis pas chimiste, hein, entre la chimie organique qui suppose à quelque part, fait naître l'idée de quelque chose de vivant en fait. Là, tu parles de chimie prébiotique dont on comprend qu'elle peut être d'origine de chimie, disons, minérale, mais avec du carbone, quoi, si je le comprends bien. Et puis ensuite, on parle de molécules présentes dans les êtres vivants, disons postbiotiques ou biotiques, je ne sais pas. Quels sont les critères qui permettent de faire les transitions, disons, les distinctions entre ce type de molécules? Est-ce que c'est juste la taille de la molécule, sa complexité, des éléments qui sont à l'intérieur? Comment est-ce qu'on distingue? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un en a une autre? Non, mais c'est effectivement, ça va être un usage de chimiste, je pense, plus que une histoire de est-ce qu'on retrouve cette molécule dans le vivant. Globalement, le méthane, ça existe. Le méthane, c'est une molécule la plus simple de la chimie organique. Globalement, c'est un carbone et quatre hydrogènes. Ça existe dans le monde minéral. Au-delà du méthane, eh bien c'est la bonne question et on parle de chimie organique parce que c'est des composants qui vont a priori venir du monde vivant. Le gaz naturel, le butane, le propane, tout ça, ce sont des molécules le gaz naturel, c'est aussi du méthane. Mais le propane, le butane sont déjà des molécules qui sont issues du vivant sur Terre. Donc là, quand on parle de chimie organique, ça va être plutôt être un usage par rapport aux molécules qui sont constituées de plusieurs atomes de carbone, d'atomes d'hydrogène, quelques oxygènes, azote, phosphore et compagnie. Donc ça va plutôt être dans ce sens-là que j'ai utilisé ce terme-là. Mais effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des molécules de chimie organique qui sont fabriquées par autre chose que du vivant. Et ça, finalement, c'est assez nouveau dans la science de la chimie aujourd'hui. On a une question via la chatroom qui vient de Sergent Guneri, qui demande d'où vient l'homochiralité de la nature. Tu peux peut-être commencer par nous expliquer ce que c'est que l'homochiralité ? Oui, je peux vous expliquer. C'est un autre sujet super passionnant de la chimie prébiotique, mais c'est en quelques mots, ça va être super difficile. Bon, la chiralité, c'est juste le fait que deux objets ne soient pas superposables par leur image dans un miroir. Donc votre main gauche, votre main droite sont chirales. Chiros, ça veut dire la main en grec d'ailleurs, parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à les superposer. Les molécules du vivant sont quasiment toutes chirales. Ça veut dire qu'elles fonctionnent de cette manière-là. Et en fait, elles ont un fonctionnement. Par exemple, les acides aminés sont présents que sous une des deux formes. C'est-à-dire que vous prenez un acide aminé, vous regardez son image dans un miroir, eh bien, ce n'est pas le même et l'autre n'existe pas dans la nature. Grosso modo, sur Terre, les acides aminés, dans leur extrême, dans leur totalité, si je ne me trompe pas, sont présents que sous une seule forme. La question, c'est qu'il n'y existe pas, ou presque, on verra ça, des différences d'énergie entre ces deux formes. La question, c'est pourquoi sur Terre, eh bien, toute la vie est basée qu'avec une des deux formes. La réponse, c'est on ne sait pas. Il y a plusieurs théories. Il y en a une qui parle de lumière polarisée qui provient de nébuleuses. Si effectivement, on dit que les espèces chimiques qui sont arrivées sur Terre pour fabriquer la vie viennent de l'espace interstellaire, eh bien, on peut imaginer que leur synthèse, qui est une photosynthèse, grâce à la lumière qui provient en particulier de nébuleuses, eh bien, ait pu donner lieu à un excès d'une forme sur l'autre. Puis après, une sorte de sélection naturelle, c'est ceux qui sont les plus nombreux qui gagnent. C'est une des théories. Il y en a au moins deux ou trois autres, dont une qui est assez satisfaisante pour moi, qui n'est pas beaucoup développée, c'est qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être un système parfaitement chaotique où une forme catalyse la formation de la même forme. Ce qui fait que, pour une raison ou une autre, à un moment donné, eh bien, il y a eu un tout petit excès, statistiquement ça doit pouvoir arriver en quelques milliards d'années, un tout petit excès localement d'une forme qui a finalement, qui s'est répandu de manière explosive puisque cette forme catalysait la formation de la même forme et donc avec un système parfaitement chaotique, ce qui indiquerait que si on trouve de la vie ailleurs que sur Terre, on pourrait très bien avoir une vie basée complètement sous l'autre forme. Il y a une troisième voie qui parle des courants faibles avec un problème d'interaction faible au niveau de la matière, au niveau des atomes et des électrons. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce que je n'en ai pas les compétences. Elle est assez intéressante aussi. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle ? Non, si ce n'est pas le cas, merci beaucoup Martin. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et on va maintenant écouter David alias Swog sur Twitter, qui va nous parler du GPS. Alors ce matin, avec l'équipe d'organisation, nous sommes allés au parc Gerland, juste à côté. Et j'ai voulu leur faire découvrir ma petite passion, mon petit passe-temps, c'est le géocaching. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors en fait, le but, c'est de découvrir des points d'intérêt, des ouvrages d'architecture, des... Qu'est-ce que j'ai noté ? Je ne sais même plus, des monuments, des ouvrages d'art. Donc pour ça, en fait, on a une sorte de petit jeu qui consiste à aller chercher une petite boîte. Bref, il n'y a rien de très passionnant là-dedans, si ce n'est qu'on peut découvrir certaines choses. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qui est scientifique là-dedans ? Eh bien, c'est qu'on utilise le GPS. Donc le GPS, qu'est-ce que c'est ? C'est le Global Positioning System. Donc en fait, il permet, comme tout le monde le sait, de se situer très précisément sur la surface de la planète. Il a été conçu par l'armée américaine dans les années 1960 et ça consiste à déployer une trentaine de satellites qui orbitent en moyenne à 20 200 km de la Terre. Donc à l'époque, on avait, jusqu'en 1995, on avait une précision d'une centaine de mètres pour un usage civil, les signaux étaient restreints. En 2000, Bill Clinton a demandé à ce que ces signaux soient libéralisés et on a atteint une précision de 1 mètre. Depuis, les appareils ont évolué. Il faut noter qu'il y a des concurrents au GPS. Il y a notamment le GLONASS en Russie, qui a été déployé en 1980, le COMPASS en Chine en 2000 et le système Galileo, le système européen, qui est en cours de déploiement depuis 2005. Alors, comment ça marche concrètement ? Donc, les satellites embarquent une horloge atomique. Je vais vous lire la définition d'une horloge atomique. C'est une horloge qui utilise la pérennité et l'immuabilité de la fréquence du rayonnement électromagnétique émis par un électron lors du passage d'un niveau d'énergie à un autre pour assurer l'exactitude de la stabilité du signal oscillant qu'elle produit. Si vous voulez en savoir plus, il y a Wikipédia. Donc ces horloges ont une précision de 1 millionième de seconde et c'est une précision qui est très importante puisque 1 millionième de seconde dans le système GPS correspond à un décalage de 300 mètres. Donc chaque satellite envoie un signal avec l'heure à laquelle ce signal a été envoyé. Le récepteur qu'on a dans notre voiture, par exemple, reçoit ce signal. Et pour avoir besoin de se positionner, il a besoin de 4 satellites. Comment se passe ce positionnement ? Donc en fait, ça consiste en une triangulation tridimensionnelle. Donc comme c'est un petit peu barbare comme concept, on va commencer par quelque chose de plus simple que tout le monde connaît. C'est la triangulation en 2 dimensions. Donc pour ça, j'ai pris un cas très simple. Je me promène. Il n'y a aucun élément qui me permet de me repérer. Je suis complètement perdu. Et là, miraculeusement, je trouve un poteau avec 3 directions qui sont annoncées. Paris, 395 km, Saint-Étienne, 49 km et Marseille, 276. Je regarde dans mon sac à dos, j'ai quoi ? J'ai un compas, une règle et une carte. Donc comment ça marche ? Tout simplement, on va pointer la ville de Paris, qui se situe à 395 km. On reporte la distance, on trace un cercle. On fait pareil avec la ville de Saint-Étienne qui est à 49 km. Et sur le schéma que vous avez ici, vous voyez qu'il y a 2 points d'intersection. Donc on sait que l'on se trouve sur un de ces 2 points. Ensuite, tout bêtement, il suffit de tracer le 3e cercle qui part de Marseille et qui se situe à 276 km. Et on voit que les 3 cercles se rejoignent en un seul point. Et on sait exactement où on est. Pour la petite histoire, on tombe juste à côté de Lyon. Alors, je vous dis qu'on sait exactement où on se trouve, c'est pas tout à fait vrai. Puisqu'on ne sait pas si on part de la banlieue de la ville, du centre de la ville, on n'a pas exactement la bonne distance avec notre compas. Et il se passe exactement la même chose sur la triangulation en 3 dimensions. Comment ça marche la triangulation en 3 dimensions ? Alors au lieu de tracer des cercles, on va avoir besoin de sphères. Donc des sphères en 2 dimensions, il n'y a que la surface qui nous intéresse. Et on va appliquer exactement le même système. On sait que le signal a été émis à une certaine heure. On sait que le signal se déplace à la vitesse de la lumière. On peut connaître la longueur entre le récepteur et le satellite. Donc là, nous avons 2 sphères qui sont représentées, dont le centre est le satellite. Le point de rencontre de ces 2 sphères est un cercle. Et là, je vous laisse deviner la suite. On va prendre le signal qui est émis par un 3e satellite. On va se retrouver avec 2 points, comme pour la triangulation en 2 dimensions. Donc je vous avais dit qu'il fallait 4 sphères pour se repérer en 3 dimensions. La 4e sphère, ce n'est autre que la Terre. Donc sur les 2 points, on sait qu'il y en a un qui est sur la Terre et l'autre qui est perdu dans l'espace. Votre récepteur le sait et vous calcule très précisément. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très précisément n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que le récepteur que vous avez dans votre voiture n'est pas équipé d'une horloge atomique. Donc il y a forcément un décalage. Et c'est entre autres pour ça que nous avons besoin du signal d'un 4e satellite qui va aider à corriger cette erreur. Depuis que Einstein est arrivé sur Terre, il nous a appris que la théorie de la relativité modifiait l'écoulement du temps. Et ceci a un impact sur le temps que met le signal à venir sur Terre, depuis les satellites. La théorie de la relativité nous apprend que le temps ralentit quand la vitesse augmente. Sachant que les satellites vont très vite, ils peuvent se déplacer jusqu'à 14 000 km/h, on a un écart de 7 microsecondes entre le temps qui est annoncé par le satellite et celui que l'on a sur Terre. La théorie de la relativité générale nous dit que plus le champ gravitationnel est important, plus le temps ralentit. Donc le temps ralentit sur Terre par rapport au satellite. Et donc là, nous avons un décalage de 45 microsecondes. Une fois que nous faisons la synthèse de ces deux décalages, on se rend compte qu'il y a en fait 38 microsecondes de décalage entre le temps des satellites et le temps sur Terre. Et en fait, ceci provoque un décalage de 10 km si on ne corrige pas ce temps-là. Si vous voulez que je le dise autrement, en fait, le système GPS aurait fonctionné pendant uniquement 2 minutes depuis sa mise en route. Pour rentrer un petit peu dans les coulisses de Lyon Science, on avait décidé de lancer ce petit événement entre nous. J'ai proposé mon sujet sur le GPS et on m'a demandé de trouver un lien avec Lyon. C'est génial. Il n'y a pas de lien entre Lyon et le GPS en soi. Mais j'ai un ami qui m'a soufflé que la première immatriculation automobile a été faite au parc de la Tête d'Or. Je vous laisse établir le lien entre vous. Merci beaucoup. Merci David. Voilà, bah, toutes celles et ceux qui vous diraient que la science, que la recherche fondamentale en science, que la physique théorique, ça ne sert à rien, bah si, grâce à la relativité générale et restreinte, vous pouvez trouver votre pizza à 23h grâce à votre GPS. On va faire un petit point sur les dessins qui ont été faits. C'est Nico qui va faire le point. Ok, bah donc je suis mal placé pour faire le dessin parce que je fais partie des dessinateurs. Donc, c'est un premier dessin de Mel qui racontait le fait que Martin a eu sa victoire du jour en ayant le droit de présenter debout parce qu'il est incapable de présenter assis. Donc bravo Martin. Elle a fait un deuxième dessin sur la biochimie probiotique, parce que je ne l'ai pas vu celui-là, donc je le découvre aussi, et qui sur la grande dispute de qui a apporté les briques de la manière organique pour apporter la vie. De mon côté, il y a eu un premier dessin sur une des remarques qui a été faite sur la chimie probiotique, de dire c'est un scientifique qui dit on a beaucoup réfléchi, la vie est apparue quelque part entre moins 5000 km et le bout de l'univers. Et comme ça, c'était sur le géotagging, j'ai fait une petite référence à l'activité qu'on a fait ce matin où on était tous plantés sur notre smartphone en train de chercher un lieu intéressant à regarder à Lyon. C'est une manière contemporaine d'apprécier le paysage. Et c'est tout pour le moment. Très bien. Du coup, on passe la parole à Émilie Neveu qui va nous parler du design des protéines. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de design des protéines. Cela fait déjà plusieurs années que l'on peut plier soi-même ses protéines. Oui, on peut plier des protéines. Alors, depuis 2008, un jeu sérieux a été mis en ligne gratuitement par une équipe de recherche de l'Université de Washington. Et ce jeu permet à tout à chacun de plier des protéines. Et donc, en jouant à Foldit, on peut aider à déterminer la forme en trois dimensions des protéines. On peut concevoir de nouvelles protéines qui vont combattre des méchants virus. Et on peut aussi déterminer des nouvelles stratégies de pliage plus efficaces que les plus efficaces stratégies calculées par les ordinateurs. En bref, on peut sauver le monde. Alors, les protéines sont partout. Dans toutes les cellules de notre corps, on a à peu près un trillion de cellules dans notre corps et donc dans nos muscles, dans nos vaisseaux, dans notre cerveau. Et dans chaque cellule, il y a des protéines. Et il y a tout un tas de protéines différentes qui sont comme des ouvrières qui vont assimiler la nourriture, transporter les nutriments dans les vaisseaux, donner des ordres aux muscles, etc. Donc, il existe tout un tas de protéines différentes, mais donc elles ont la particularité d'être en fait constituées d'acides aminés. Donc, voici un exemple d'un acide aminé. Un acide aminé est une petite molécule composée de carbone, nitrogène, hydrogène, oxygène. Et donc on trouve une vingtaine de ces petites molécules qui sont différentes selon la composition de l'élément R, qu'on appelle aussi une chaîne latérale. Et c'est la combinaison de ces différents acides aminés entre eux qui forme la variété des protéines et la variété de leurs fonctions. Voilà. Donc si on arrive à bien connaître assez facilement la composition en acides aminés des protéines, il est plus difficile en revanche de savoir dans quelle forme, quelle structure elles vont prendre en trois dimensions. Et pourtant, c'est un sujet de recherche passionnant. Voilà, donc si on prend l'exemple du virus de la grippe, donc ici on a le virus comme H1N1 par exemple, donc déjà il est tout petit, environ 100 nanomètres. Et donc il faut des techniques assez compliquées pour pouvoir l'observer. Et à la surface de ce virus, on trouve une protéine donc, qui est dessinée en bleu, qu'on appelle l'hémagglutinine. Et cette protéine s'accroche à, à une cellule cible. Et en s'accrochant à la cellule cible, elle va changer de forme. Et c'est ce changement de forme qui va... qui enclenche le signal de l'attaque du virus et qui va donc permettre à l'ADN du virus d'entrer dans la cellule cible, donc dans nos cellules en l'occurrence. Donc c'est la forme, le changement de forme 3D et la forme 3D de la protéine qui détermine en grande partie, détermine la fonction de la protéine. Et ceci est dû en particulier parce que cela va changer la proximité spatiale des différents groupes chimiques et donc les effets physico-chimiques qui sont possibles. Alors, donc pour en revenir au logiciel Foldit. Voilà, donc ici vous voyez une capture écran du logiciel Foldit. Donc ce logiciel a été conçu pour utiliser le pouvoir de résolution des joueurs humains afin de mieux déterminer les structures en trois dimensions des protéines. Donc lorsqu'on commence à jouer, alors on a le choix entre une série de tutoriels qui vont nous apprendre à manipuler les protéines ou alors des jeux plus compliqués, voire des compétitions. Alors au milieu, en haut, on voit qu'il y a un score qui est affiché. L'intérêt, c'est d'augmenter ce score en manipulant les différents éléments de la protéine. Ici, en bleu, sont représentées les chaînes latérales des acides aminés. Il y a une petite boule rouge qui indique que les chaînes latérales sont trop près l'une de l'autre et il va falloir les bouger pour pouvoir améliorer le score et gagner. Donc là, c'est un puzzle très simple et les choses se complexifient au fur et à mesure. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce jeu a été conçu pour utiliser le pouvoir de résolution des humains face à ce type de problème, et qu'en 2011, effectivement, des joueurs ont permis de découvrir la structure 3D d'une enzyme qui est une des causes du virus chez le singe, du virus du sida chez le singe, pardon. Et donc, ils ont, par la même occasion, inauguré la première publication scientifique coécrite par des gamers. Cette enzyme est particulièrement importante parce qu'elle est la cause du sida chez le singe et qu'elle est très proche de celle que l'on trouve chez l'homme. Donc, mieux connaître la structure 3D de cette enzyme va permettre aux chercheurs de mieux comprendre son fonctionnement et aussi de pouvoir concevoir un médicament qui va inhiber son activité infectieuse. Et donc, comment on fait pour concevoir les médicaments ? Je reviens à l'hémagglutinine que je vous ai présentée juste avant. Donc ici, on va représenter une partie de l'hémagglutinine en bleu et en beige. Et donc, pour la première étape du design d'un médicament, ça va être d'identifier un site actif, c'est-à-dire un endroit important dans le processus de l'infection. Et ensuite, on va chercher à concevoir une protéine qui va s'accrocher à ce site et empêcher son fonctionnement. Donc, je vous passe l'étape de la sélection d'éventuelles candidates pour vous parler un tout petit peu plus de l'optimisation des structures. Donc, en fait, on va un peu jouer avec les protéines. Et c'est comme si on jouait à la poupée. Donc, on va la déshabiller. Par exemple, on va mettre un pantalon à la place d'une jupe pour qu'elle court plus vite ou plus facilement. Donc, avec les protéines, c'est pareil. On va s'amuser à changer les acides aminés et à voir quel effet cela a sur leur activité. Donc, l'idée, c'est de construire une protéine qui va s'accrocher le mieux, qui va interagir le plus possible avec le virus et empêcher son fonctionnement. Donc, c'est... voilà, c'est un peu la recette pour concevoir des médicaments. Alors, je vais passer à un peu plus de détails techniques. Donc, pourquoi c'était si compliqué de prédire la structure 3 dimensions de l'enzyme qui a été prédite par les joueurs de Foldit ? En fait, c'était un sujet de recherche qui n'était pas résolu depuis plus de 10 ans. Voilà, c'est tout blanc. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est à comprendre comment la protéine interagit avec son environnement. Donc, la protéine, en fait, va chercher à adopter la forme la plus stable. Elle va chercher un compromis entre toutes les forces qui la tiraillent. Donc, ce qu'on veut faire, c'est calculer les différentes forces qui la tiraillent. Donc, il faut prendre en compte, en fait, la protéine va chercher à envelopper ses parties hydrophobes, donc qui n'aiment pas l'eau. et exposer les parties hydrophiles qui aiment l'eau. Il faut aussi prendre en compte l'électrostatique, la température et la géométrie des liaisons chimiques. Et puis, il y a encore d'autres effets qui s'ajoutent, donc je ne vais pas tous les expliciter. Et donc, il faut prendre en compte tous ces effets, mais en plus, il faut prendre en compte aussi la taille des protéines. Donc, les protéines, il faut savoir que les plus petites sont composées environ d'une centaine d'acides aminés, et la plus grande, 27 000. Donc, la taille des protéines est telle que l'étendue possible des formes qu'elle peut adopter est tellement grand que même pour les ordinateurs, c'est difficile d'explorer toutes ces possibilités. Donc pour cela, il faut déployer des méthodes complexes d'exploration de l'espace, d'optimisation, d'approximation. Ou alors, comme ce qu'a fait les créateurs de Foldit, il faut utiliser le pouvoir de résolution des joueurs humains. Donc je vais conclure, en fait, parce qu'on est à Lyon. Donc à Lyon, il convient de rappeler qu'il y a un grand pôle de bioinformatique, donc notamment avec Sanofi, mais aussi en formation et en recherche publique. Et aussi, donc, le design moléculaire dont je vous ai parlé, c'est juste la première étape de la création d'un médicament. Et donc il y a aussi toute une étape de test qui va suivre, puis ensuite la commercialisation. Il faut compter 10 ans de R&D avant de commercialiser un médicament, 10 ans pour passer de dizaines de milliers de molécules à un médicament. Donc si on voit bien que les mathématiques et l'informatique peuvent accélérer la conception du médicament, on comprend qu'ils ne suffisent pas, ils ne peuvent pas tout. Et donc pour se soigner, le meilleur atout reste bien sûr de trouver un bon médecin. Merci Émilie. Pour une première, tu t'en es super bien sortie. Félicitations. J'ai oublié de préciser tout à l'heure où on peut retrouver les différents intervenants qui, pour la plupart, sont des blogueurs sur le Café des Sciences. Donc Martin, que vous avez entendu en premier, vous le retrouvez sur son blog Pourquoi le ciel est bleu, à l'adresse Pourquoi le ciel est bleu, tout collé en un mot, @café-science.org. Science au pluriel. Et puis, Émilie, toi, on te retrouve sur le blog Sense the Science. Oui, c'est ça. Tu nous donnes l'adresse ? Je crois que c'est Sense the Science, donc tout collé, .wordpress.com, donc c'est sur WordPress. Très bien. Est-ce qu'on a des questions pour Émilie dans la salle ? Une question de notre ami Goulu, toujours très en forme. Oui, je disais que j'ai joué à Foldit. C'est un petit peu difficile de garder l'effort sur le long terme, quoi. J'ai trouvé intéressant au début, après personnellement, je me suis un peu lassé. Mais la question que j'avais, c'est comment est-ce qu'on connaît la géométrie initiale de ces protéines ? Est-ce qu'il y a des systèmes d'analyse des vraies protéines, ou est-ce qu'on part du génome qui produit les séquences d'acides aminés pour connaître la protéine à la base, celle qu'on s'amuse à plier, sa configuration initiale, elle vient d'où ? La configuration initiale dans le jeu ou dans le jeu, mais aussi, j'imagine, pour vous, la connaissance de la géométrie de la protéine, ou disons du moins de sa forme, quoi. Oui, alors je suis pas spécialiste complètement du sujet. Hein, faut dire. Je viens des maths, de l'info, donc tout ce qui est plutôt chimie, biologie, c'est pas mon fort. Mais je vais essayer de répondre. Donc il y a plusieurs éléments dans les protéines. En fait, il y a ce qu'on appelle le squelette. Donc c'est ce qui relie les acides aminés entre eux. Et en fait, cette partie-là est assez. Je pense que c'est celle qu'on connaît le plus facilement. Et ce qui est plus compliqué, c'est les chaînes latérales justement qui eux sont plus ou moins libres. Donc il y a des lois qui permettent de savoir les angles entre les différents atomes. Par contre, il y a des endroits de la protéine qui sont plus lâches, et donc je pense que c'est différentes interactions et qui doivent être plus dépendantes de l'environnement. Donc là, on a moins de savoir. Donc c'est un mélange, à mon sens, c'est un mélange entre ce qu'on sait, les lois physiques qui régissent donc la structure du squelette, ou alors les chaînes latérales. Donc il y a des interactions qui sont différentes selon l'endroit de la protéine. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, je me permet d'intervenir, puisque je suis un tout petit peu plus chimiste. Ta question, ça concernait juste pour avoir une première idée de la forme de la protéine. Bah ça, a priori, je pense que c'est le sujet en particulier de... Enfin, c'est la modélisation informatique, et c'est le prix Nobel de chimie de cette année, ou de l'année dernière, j'ai un gros doute d'un coup en te le disant, justement, de modélisation qui fait à la fois des calculs à différentes échelles, des calculs qui sont de mécanique classique à une échelle assez importante, et des modélisations mécaniques quantiques pour le cœur des molécules où on va vraiment avoir des interactions d'acide aminé en acide aminé. Donc je pense, je ne sais pas exactement par rapport à Foldit, mais je pense qu'il y a une première étape de modélisation relativement grossière qui donne une forme globale avec ensuite tout un affinement qui est actuellement impossible à gérer d'un point de vue informatique. La chimie, c'est le second plus gros consommateur de supercalculateurs pour justement ces calculs-là, et en particulier avec les protéines, où on n'a pas 1, 2, 3, 5, 15 corps dans un système solaire, mais on a des dizaines de milliers d'atomes qui sont en même temps au même endroit et qui interagissent. Oui, donc ouais, c'est un mélange de règles physiques et aussi d'expériences. Donc il y a des densités d'électrons qu'on arrive à capter, par exemple, et donc c'est un peu tout ça qu'on essaye de combiner. Une autre question ? Bonjour. Moi, j'ai une question sur Foldit. J'ai pas très bien compris comment ça marchait, ce jeu. Le score, en fait, qu'est-ce qu'il représente ? Parce que j'ai l'impression que... Donc, l'idée, c'est de faire plier les molécules pour comprendre comment elle est dans l'espace. Mais du coup, s'il y a un score et qu'on peut gagner, ça me donne l'impression que ça veut dire qu'on sait déjà comment elle était dans l'espace. C'est Pierre Kerner qui va répondre. En fait, à chaque protéine, il y a une entropie qui est définie, c'est-à-dire qu'il y a une configuration qui minimise les forces d'interaction entre toutes les différentes parties de la protéine. Ça, l'ordinateur en soi ne peut pas le prédire, et en arrivant à manipuler par des joueurs, en baissant le plus l'entropie, on arrive à quelque chose d'optimum. Seulement, justement, en ayant tant de joueurs impliqués, on peut avoir plusieurs maximums, et ensuite ce sera sur ces maximums que les chercheurs vont travailler. On a une autre question. Oui, je voudrais savoir s'il y a un objectif de faire une application. Parce que ça, c'est que sur ordinateur, non ? Le jeu ? Oui, c'est une application sur ordinateur. Et après, je ne sais pas, vous parlez de smartphone ? J'en ai aucune idée, je ne sais pas trop. Il faut regarder sur leur site, en fait. Foldit. Bah, l'idée est lancée. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir une chose. Il me semble que la structure secondaire, elle doit être connue, non, de la protéine ? En hélice ou en feuillet, c'est la configuration encore au-dessus qui n'est pas connue, si En fait, on peut relativement facilement trouver les structures d'hélice et donc de bêta-plan, je crois que c'est comme ça en français. Par contre, il y a toujours des parties qui vont être plus flexibles, qu'on connaît moins, notamment la surface des protéines. En fait, là où elles vont avoir des changements de forme, elles vont avoir des changements d'activité, et c'est des endroits qui sont... pas forcément, qui se comportent pas forcément comme des hélices ou des bêta-plans. Et donc c'est des parties plus compliquées à prédire. Et par contre, vous avez raison, c'est aussi très compliqué. Enfin, l'étape du dessus, la structure tertiaire, donc l'interaction entre les protéines est encore plus compliquée. On a une autre question. J'avais une question. Foldit, ça a déjà quelques années. Et est-ce qu'on a vu d'autres Serious Game collaboratif émerger et à d'autres domaines ? Vincent, peut-être une réponse ? Oui, je vais répondre, je suis là. donc il y en a un qui vient de sortir sur le cerveau, où c'est des chercheurs qui ont mis en place un petit jeu. Alors pour le retrouver, vous irez sur le site Cortex Mag, parce que j'en parle. ils ont fait des petits jeux, justement, en réalisant ces petits jeux, on les aide à avoir des données pour faire avancer leur recherche. Mais il y en a quasiment tous les ans qui ont des nouveaux jeux qui sortent pour la recherche. Donc. Et pour terminer aussi, il y avait, j'ai eu vent, j'ai plus les références en tête, d'un Serious Game collaboratif pour du séquençage de gènes, il me semble. Enfin, mais j'ai plus les références. J'en ai entendu parler, mais je sais plus de quoi ça parle. Mais Pierre, apparemment, il sait un peu plus que moi. Voilà. Donc ça, c'était Mel qui passe le micro à Pierre. C'est du séquençage et surtout c'est de l'alignement entre séquences. Donc en alignant des séquences qui proviennent, par exemple, de plusieurs patients, de plusieurs espèces, etc., on peut obtenir des informations sur l'homologie de ces séquences, c'est-à-dire savoir qui est plus proche de qui. Le problème, c'est que ça prend énormément de ressources informatiques et donc de faire participer des joueurs, ça permettrait d'obtenir des scores plus intéressants. Et souvent, en plus, ces séquençages sont manuellement optimisés et du coup, bah, ça permettrait de former des gens qui optimisent ces séquençages, enfin ces alignements sans diplôme, on va dire. Est-ce que vous avez encore des questions ? Sinon, je vais passer pour voir les dessins qui ont été réalisés pour justement ce dossier de Tu le fais. Ouais, des dessins sur les protéines. Donc, on commence par un dessin par moi qui a dessiné une protéine avec un logo Apple en appréciant le design de cette magnifique protéine. Mel, donc, qui nous a parlé tout à l'heure, qui a fait un dessin de protéine qui essaie de se configurer en se poussant, etc., pour avoir la meilleure configuration pour défoncer la gueule du virus. Et enfin, dans les Serious Games, j'ai essayé d'imaginer Call of Duty protéine, avec une protéine avec une mitraillette. C'est David Loureiro maintenant qui va nous donner ses conseils de lecture. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous présenter trois livres aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, c'est moi qui ai créé le podcast qui s'appelle Lisez la science. Donc, l'idée, c'est de présenter des livres de science pour donner envie de les lire. C'est un peu l'idée. J'ai essayé d'en trouver trois qui aient un lien avec Lyon. Alors, j'ai essayé, vous me direz si ça a marché ou pas. Bon, les livres de science, l'idée, c'est que ça peut servir de référence quand on a envie de savoir un peu plus sur certains sujets. C'est ce que j'essaye de faire. Et aujourd'hui, je vous en ai sélectionné trois sur la vie scientifique lyonnaise. Un sur la physique des particules, un autre sur l'alterscience ou encore les mathématiques. Donc comme ça, les sujets, a priori, n'ont pas l'air d'être super reliés à Lyon. Alors pourquoi la physique des particules déjà ? Donc Pierre, je peux peut-être te laisser passer au livre... à première image. Pardon Pierre. Ouais, hop. Alors, Lyon, on n'a pas d'accélérateur de particules à Lyon. Hein. Ça, je pense que vous l'aurez tous remarqué. Le plus proche, il est à Genève. D'ailleurs, on a des gens qui y sont passés et on y est tous passés. D'ailleurs. Enfin, pas tous, mais une grande partie. Lorsqu'on a pu le visiter l'année dernière, d'ailleurs, merci Aurélien, il est dans la salle. On peut le remercier grandement pour nous y avoir aidés. Donc, on n'en a pas. Par contre, à Lyon, on a quelque chose qui s'appelle l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules, l'INDP3. C'est pas très loin d'ici, c'est à Villeurbanne. Et en fait, donc il y a le centre de calcul qui est là-bas. Et le lien avec la physique des particules, c'est parce qu'en fait, lorsque les collisions sont faites au LHC, les données produites par les détecteurs étaient stockées là-bas. Et donc, c'est eux qui stockaient les données qui ont permis la découverte du boson de Higgs. Voilà, c'est histoire de relier ça à Lyon. Alors, là, le livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui s'appelle « À la recherche du boson de Higgs ». Donc c'est deux personnes qui l'ont écrit, ça a été paru en 2013 chez Librio, Christophe Grosjean qui est physicien des particules à l'Institut de physique des hautes énergies de Barcelone et Laurent Vacavant qui est chercheur en physique des particules pour l'expérience Atlas au LHC. C'est un ouvrage relativement court, hein, il fait 100 pages. Ouais, c'est bon. Il est ici s'il y en a qui veulent venir le voir. Il est assez court. L'idée pour eux c'est de partir de la base. Qu'est-ce qu'une particule ? Qu'est-ce que la mécanique quantique ? Quelles sont les particules élémentaires dont tout est composé ? Quelles sont les forces fondamentales, etc. Donc, dit comme ça, ça paraît extrêmement complexe. Ils arrivent avec des explications relativement claires quand même et concises à nous parler du modèle standard, à nous raconter tout ça. Et on en vient à comprendre ce qu'est le boson de Higgs et en quoi il participe à une partie de la masse des particules, pas tout, comme on a tendance à l'entendre un peu de partout. Une fois la théorie posée, les chercheurs nous emmènent dans la découverte de cette aventure scientifique, la construction du LHC, qui est quand même aujourd'hui la plus grande machine jamais construite par l'homme. On apprend la vie de ses prédécesseurs, donc une partie du LHC est composée des précesseurs de ses prédécesseurs, d'autres plus petits accélérateurs, leur participation à la découverte d'autres bosons, Z et W notamment, et sa construction mouvementée, son fonctionnement, ses premiers tours de chauffe, et jusqu'à la consécration avec la découverte du boson de Higgs en 2012. C'est un livre que je conseille si on s'intéresse à l'épopée scientifique qui a été la construction du LHC et la physique des particules de manière plus générale. Et on apprend tout ça de manière finalement assez sympathique et agréable. Donc si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, ça coûte pas cher, ça coûte 3€, comme c'est écrit en bas. Donc faut pas se priver. Un autre livre, est-ce que je vais y arriver ? Ouais, super. qui s'appelle Alter Science d'Alexandre Moati. Donc Alter Science, c'est un mot qui peut paraître un peu étrange, même si on a comme une idée quand on l'entend. En fait, on entend par là ce qui est la science altérée. La science qui, un jour, a fait un peu un pas de côté pour sortir des sentiers battus et se retrouver parfois à naviguer dans des eaux pas très claires. Alors, vous allez me dire, quel est le lien avec Lyon, encore une fois ? C'est pas qu'à Lyon, on fait de la science qui est pas très claire. C'est juste qu'elle fut le berceau d'Auguste Lumière, notamment. Et comme le raconte Alexandre Moati, outre le fait qu'il a eu des liens avec le régime nazi et le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça, on vous le raconte pas quand on vous parle de l'invention du cinéma, il a pas mal été impliqué... c'était son truc dans le médical. Notamment, c'est lui qui a mis en place les premières impressions photographiques pour les blessés de guerre. Et donc, il se battit notamment contre les scientifiques qui avaient découvert la tuberculose et le bacille de Koch, parce qu'ils pensaient en fait que c'était pas du tout lié à ça, la tuberculose, mais que c'était une maladie qui était liée à des problèmes de mœurs de la femme dans un couple. Voilà. C'est bien, hein? Donc pour revenir au livre, dans cet ouvrage, Alter Science, paru en 2013 chez Odile Jacob, Alexandre Moati nous raconte un peu l'histoire de ces scientifiques. Au cours des 315 pages du livre, on apprend un peu ce qui est passé par la tête de ces scientifiques ou ingénieurs, souvent issus de grandes écoles, pas mal de gens de français d'ailleurs, qui se sont mis un jour à remettre en cause des théories scientifiques. Alors des théories aussi variées et non éprouvées que la relativité générale, que la théorie de l'évolution, la mécanique quantique. Voilà, donc c'est ça qu'ils s'amusaient à faire. On découvre aussi des authentiques falsificateurs, dont certains vous avez déjà entendu parler, comme les ingénieurs Delft qui ont fait croire à ces gens-là que grâce à des avions renifleurs, on pouvait, et grâce à une particule appelée l'aldino, qui n'existe pas bien sûr, qu'on pouvait détecter des champs pétrolifères. On découvre aussi d'autres théories farfelues, la théorie des rayons N, l'énergie libre, ou la synergétique de Vallée. Donc c'est plein de choses qu'on n'imaginait même pas, les soubassements de la science, on pourrait presque dire, avec des points un peu obscurs, où la lumière de la science arrive assez rarement. En même temps, on est fasciné parce que finalement, tous ces scientifiques-là ont juste essayé de mieux comprendre la science. Ils sont juste passés à côté de deux, trois petits trucs. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur le livre et son contenu et son auteur, je ne peux que vous conseiller l'épisode 146 de Podcast Science où Alexandre Moati a été interviewé. Voilà, ce sera 10 euros les gars. Et un troisième livre... Alors, les mecs de Podcast Science vont dire que je fais de la pub éhontée pour tout ce qu'ils font. En fait, pour finir en beauté, c'est un livre sur les maths qui parlera à certains occupants en fait, de qualité de l'ENS, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'ENS qui est juste à côté, il y a tout un étage réservé aux mathématiques. Donc c'est un livre qui s'appelle « Vous avez dit maths » qui a été écrit par Robin Jamais. Robin Jamais, c'est un des comparses de ces deux messieurs à côté de moi qui s'occupe de Podcast Science. Et oui, même quand il n'est pas là, on parle aussi de lui. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, et pourquoi je parle de ce livre alors qu'on est à Lyon, outre le fait qu'il y a un étage dédié aux mathématiques à l'ENS, c'est parce que, vous le savez sûrement, un des médaillés Fields les plus connus français, c'est Cédric Villani. Et donc Cédric Villani, en fait, il a été membre du fameux laboratoire au quatrième étage. Donc avec un peu de chance, il a déjà peut-être été assis sur la chaise sur laquelle vous êtes assise. Il a déjà foulé les pavés que vous avez parcourus pour venir, et ça se trouve, il a déjà sa lisse à la Vallière avec du ketchup dans un des magasins qui vend des sandwichs dans le coin. Alors, vous avez dit maths, c'est un livre qui nous permet d'apprendre plein de choses, parce que c'est de la vulgarisation, hein. C'est pas rempli de théorèmes ou ce genre de choses. On en apprend plein de choses sur la géométrie avec des pliages, qui est quand même carrément plus classe que celle avec une règle et un compas. Vous comprendrez aussi pourquoi les mathématiciens restent béats devant le carrelage de votre salle de bain quand ils découvrent chez vous. Ou alors, comment on peut se la péter en société en sachant à quoi ça correspond les formats A4, A0, A1, etc. Et pourquoi est-ce que 21 par 29, 7, en fait, ça a du sens et c'est pas juste un truc qu'on vous a balancé comme ça. C'est un livre facile à lire, grandement illustré, et qui sera un excellent divertissement si vous vous intéressez aux maths, et même si ça vous rebute, vous en prendrez plein de choses. Enfin, si vous êtes comme moi un fervent admirateur de Podcast Science, vous vous retrouverez aussi à sourire bêtement en lisant le livre, parce que c'est un bon complément à tous les dossiers qui ont été faits par Nico Tup et par Robin chez eux. Et puis, alors preuve que d'ailleurs ce fameux Robin sait ordonner ses idées et les mettre au propre, le livre il est clair, il est ordonné, c'est un grand plaisir à lire. Alors comme d'habitude, Si vous écoutez le podcast, Lisez la science, vous retrouvez tous ces livres sur une étagère que je vous ai mis sur Goodreads. Et celle-ci, elle s'appellera LLS-HS5. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous intéresse de venir feuilleter les livres, vous pouvez venir. Merci. Si on a des questions pour David dans la salle, l'autre David se balade avec un micro. En attendant que les mains se lèvent, je vais meubler un peu. J'en profite pour vous dire que toutes les interventions que vous avez entendues ici, que vous êtes en train d'entendre, vous les retrouvez sur le site lyonscience.fr, donc lyon-science au singulier, sauf erreur. Ouais, c'est ça. .fr, c'est David, l'autre David, Soug, qui se charge de les publier au fur et à mesure de nos interventions. Alors, si on n'a pas de questions dans la salle, et je crois qu'il n'y en a pas non plus dans la chatroom, où on a un dessin de Nicotube, où on apprend que le livre de Robin a été écrit sur Minitel. Voilà. Si on a d'autres dessins, on y reviendra tout à l'heure. Pour le moment, on va écouter notre ami Pierre Kerner, alias Topo, l'auteur de l'excellent blog Strange Stuff and Funky Things, que vous devez absolument lire si ce n'est pas encore le cas, qui va nous parler d'une petite spécialité du monde animal. C'est ça, je te laisserai présenter ton sujet tout seul, Topo, je ne suis pas sûr de l'assumer. Ok, donc me voici à Lyon, où j'ai été invité à exprimer mon amour de la science étrange et fabuleuse que je partage depuis 2009 sur mon blog, Strange Stuff and Funky Things. Alors ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand on se prend la tête, qu'on commence à réfléchir à partir d'anecdotes insolites. J'aime bien aussi partir sur un sujet de base qui peut paraître de prime abord un peu bateau, un poil rébarbatif. Et du coup, de quoi parler pour Lyon Science ? Lyon Science, Lyon Science, eh ben, je vais parler de Lyon, l'animal, pas la ville. En plus, comme je suis un connard de parisien, je vais en profiter pour dénigrer Lyon, la ville, pas l'animal, en se foutant de la gueule de l'animal. Bref, titre de ma présentation, les lions. Est-ce que, au juste, c'est pas des gros chats ? On peut poser la question à l'envers si vous voulez. Les chats ne sont-ils pas, au juste, des petits lions ? Alors, en tant que spécialiste de la taxinomie, je me suis un petit peu mis tout seul dans la mouise. Certes, les chats et les lions appartiennent tous deux au groupe des félidés, mais on distingue cependant les grands félins, les panthérinés, qui sont représentés ici, avec le groupe auquel appartiennent les lions, et on le distingue des petits félins, les félinés, parmi lesquels on retrouve les chats. Alors, je vous le dis ça comme ça, que ça a été établi, cette distinction entre félidés et, panthérinés et félinés, mais ça a demandé de nombreux travaux d'équipes de recherche qui ont participé à la clarification de ces liens de parenté qui existent donc entre les félidés et même au sein des populations de lions. Alors pour ce faire, comment on réalise ça ? On compare les morphologies des animaux, on peut se mettre en quête de fossiles, on peut séquencer et comparer des bouts de leur ADN. Et je ne vous le cache pas, même du point de vue morphologique, les lions ont plus à voir avec les tigres, jaguars, léopards tout court et léopards des neiges qu'avec les petits minous. Ils sont d'ailleurs tellement proches entre eux que ces espèces peuvent se reproduire entre elles et donner des hybrides au nom ridicule, comme le ligre ici, le léopon, mais encore le liard et le jaguar-tigre. C'est comme ça. Par contre, quasi impossible de croiser des félinés et des panthérinés. J'en vois qu'il y en a qui tombent de leur chaise de ces annonces. Bref, en dehors des preuves quasi irréfutables de la phylogénétique, qu'est-ce qui peut véritablement me faire dire que les lions et les chats, c'est pareil ? Bah, déjà, regardez ce qui se passe quand on rajoute une crinière à un chat. Expérience. Voilà. Donc, on fait moins les malins face à cette preuve. J'en entends déjà qui tentent quand même de dénigrer cette preuve en la taxant de sexiste sous prétexte que j'associe l'apparence du mâle des lions à l'intégralité des lions, femelles inclus. Eh bien, sachez que si nous, humains, nous avons nos femmes à barbe, les lions ne sont pas en reste car il existe aussi des lionnes à crinière. Ce sont ici deux lionnes. Plusieurs femelles à crinière ont été observées dans différentes troupes de lions du camp Mambo au Botswana. Pour l'instant, des études préliminaires avec mesures et prélèvements sanguins n'ont été effectuées que sur un seul spécimen, une seule lionne appelée Mamoriri. Alors malheureusement, ces résultats n'ont pas encore été publiés, mais par contre, une autre lionne à crinière née en captivité à Philadelphie a été étudiée et il semble bien qu'elle soit génétiquement femelle, mais que ses ovaires comportent des structures testiculaires expliquant peut-être la production de testostérone et donc sa luxuriante chevelure. Et après les lionnes à crinière, on ne sera pas surpris non plus de trouver des lions totalement glabres, comme ici, comme parmi ces lions qui appartiennent des troupes de lions du camp Mambo. Ah non, je me suis trompé. de lion du Tsavo au Kenya, caractérisé par cette crinière version armée de terre. Alors, climat, adaptation à la végétation, structure sociale, surproduction de testostérone, pardon, les hypothèses sont nombreuses, mais on ne sait pas encore précisément ce qui rend chauve ces lions kenyans. Et à noter qu'il y a d'autres lions qui étaient totalement glabres, les lions européens des cavernes, qui n'ont jamais été peints avec des crinières par nos ancêtres. Ce qui laisse supposer qu'il n'y avait pas de crinière à cette époque, en tout cas pour ces populations de lions. Alors conclusion, pas de quoi fêter un chat comme différence entre lion et minou. Et pour rappel, notre première équation donne Félix plus crinière égale lion. Et bien pour transformer un lion en chat, je vous le donne en mille, vous mettez un lion plus une boîte en carton et vous avez un gros matou. Bon, et tout le monde le sait, la preuve, en tout cas qui a été détaillée par les nuls et leur comité contre les chats, c'est que pour savoir si un chat est bien domestiqué, il faut savoir et évaluer si ce sont des branleurs. Et donc, les chats sont des branleurs, mais les lions sont des branleurs aussi. C'est peut-être l'hybride, justement, des lions et des chats. En tout cas, ils le sont au sens propre du terme, puisque les lions sont caractérisés pour leur propension à la masturbation en utilisant leur pote avant ou l'autofellation, comme ici. Ah oui, il fallait, hein. Remarquez, il faut être particulièrement motivé quand on est un lion qui veut s'auto-fellationner, car le pénis des félins, chats et lions donc, est épineux. Je n'approfondis pas le sujet des épines de pénis et vous renvoie plutôt à la vidéo de Dirty Biology sur les diverses fonctions des pénis dans Le règne animal, vidéo bien sûr à laquelle j'ai participé. Toute occasion de parler de pénis sera prise. En conclusion, et en toute malhonnêteté, la seule différence que je puisse trouver entre un chat et un lion, ce sont les vocalises de chacun. Alors en effet, il semble que les lions soient peu capables de ronronner, et les chats définitivement incapables de rugir. L'origine de ces différences de capacité proviendrait de l'os hyoïde, qui est représenté ici et là, et qui est plutôt rigide et bien osseux chez les chats, alors que celui des lions est flexible, particulièrement cartilagineux, et attaché au crâne par des ligaments élastiques. Ici. Alors pour ronronner, les chats ne semblent utiliser que de l'air passant au travers le larynx qui est modulé par leur corde vocale. Les lions, de leur côté, ont un gros bloc de tissu fibro-élastique près de leur corde vocale qui semble empêcher le ronron. Par contre, ils peuvent abaisser leur larynx dans leur gorge grâce à la flexibilité de leur os hyoïde, ce qui leur permet d'utiliser leur tractus vocal comme un corps de chasse et rugir. Démonstration. Là, on a bien vu l'os hyoïde se déplacer vers le bas. Alors, donc ça, c'est une simulation. Ce que vous aimeriez bien voir, c'est justement ce que peut faire le lion en vrai. Et donc, pour déterminer ce mécanisme, en fait, des zoologistes ont utilisé l'opportunité de la dissection d'un lion pour pouvoir voir si on était capable de reproduire le rugissement en faisant passer de l'air comprimé à travers le larynx. Redémonstration. Voilà, conclusion finale, je ne pouvais pas le savoir avant de m'engager dans ce sujet, mais il faut bien le dire, la science à la lyonnaise, c'est bien strange and funky. Et je vous remercie de votre attention. Ok, c'est fait. Est-ce que quelqu'un a le courage de poser une question après ça ? C'est permis. Hein. J'ai des diapositives supplémentaires, si vous voulez. Mel a une question. Et t'as pas parlé des mâles qui tuent les petits Tout à fait. Et pourtant, tu avais fait un dessin justement pour Strip Science. Le problème, c'est que justement, il fallait que je sois limité en place. Il fallait que je tienne en 5 minutes. Mais en effet, il y a de nombreuses populations de lions dans lesquelles des mâles dominants viennent s'intégrer à des troupes. Et lorsqu'ils réalisent cette invasion, d'une certaine manière, ils se débarrassent de tous les lionceaux des lions mâles précédents. Et est-ce qu'il y aurait pareil, je sais pas, est-ce qu'ils ont étudié ça dans des populations sauvages de chats ? On peut se poser la question au final. Oui, on peut se poser la question. Mais je te remercie de l'avoir posée. La je n'ai absolument pas la réponse. En fait, si, enfin, d'une certaine manière, les lions sont caractérisés par une structure sociale exacerbée. Donc, généralement, les chats domestiques, peut-être pas, mais en tout cas les chats sauvages, n'ont pas cette structure, ils sont plutôt solitaires. Donc il n'y a pas cette structure en troupe. Cependant, chez les lions, c'est en fonction des populations qu'on a des structures sociales différentes. Notamment, je vous ai montré les lions du Tsavo, et une des hypothèses pour expliquer le fait qu'ils n'aient pas de crinière, c'est que systématiquement, il n'y a qu'un seul lion mâle par troupe. Et donc, il n'y a éventuellement pas besoin d'avoir à se friter, montrer qu'on a une crinière super belle. Parce que la crinière, en l'occurrence, ça peut permettre justement de montrer aux autres mâles qui est le plus fort, séduire les femelles, mais éventuellement aussi éviter de se ramasser des coups dans la gorge, ce qui serait fatal. Donc, bon, il y a plusieurs hypothèses vis-à-vis de cette crinière. Et du coup, il serait moins utile dans une région quand même au Kenya où il fait très, très chaud. Et donc, il faut limiter justement ce genre de stress. Et moi, j'avais encore une question. Tu as parlé des pénis de lion tout à l'heure, dire qu'ils avaient des picots. Est-ce que ça pourrait pas être un caractère dérivé de félin, en fait, vu que c'est une histoire de ramonage, en fait, de vagin pour enlever... Exactement. Et si c'était pas, justement, un caractère partagé dérivé d'autres félins? Je me posais la question. C'est un caractère ancestral qui est partagé par l'intégralité des félidés, c'est-à-dire que jaguars, tigres, etc., ils partagent une autre structure de leur pénis qui est intéressante, c'est qu'ils ont un baculum, c'est-à-dire un os pénien qui leur permet d'avoir un os rigide pendant la pénétration. Ah, c'est pas que chez les marsupiaux, l'os pénien. C'est pratiquement chez tous les carnivores. Ah, d'accord. Voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner. Ça va être difficile d'enchaîner après un sujet pareil, mais il y a du niveau, je vous rassure. C'est maintenant Vincent Giudis, l'auteur du blog Dessous de Science et le papa de Qui dit Science, qui va nous présenter un sujet qui n'est pas à faire écouter par les enfants, probablement, ou je ne sais pas. Enfin, il va nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la matière fécale. Bonjour à tous. Donc moi, je savais que je passais après Pierre, donc il fallait que je trouve un sujet à la hauteur, parce que passer après un tel sujet, c'est quand même difficile. Donc on m'a demandé de trouver un sujet pour Lyon Science, et c'est vrai que je me demandais de quoi parler, en fait. Quel lien on peut trouver entre Lyon et la science? Un lien assez évident. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'aiment les Lyonnais? Et en fait, les Lyonnais aiment manger, j'en suis la preuve vivante. Et après manger, qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais en train de faire un cours avec mes élèves de 5e de SVT, et je me suis dit, j'étais en pleine dans la digestion, leur apprendre ce que c'était la digestion, et je me suis dit, il faut que je parle de matière fécale. Alors, et la recherche? Il y a énormément de travaux sur les matières fécales et de travaux très très sérieux. Est-ce que vous savez d'ailleurs comment s'appelle la recherche de matières fécales? C'est un nom bien précis, la recherche scientifique en matières fécales. Est-ce qu'il y en a qui... Non, c'est la coprologie. Et il y a des filières de cette recherche, et notamment la paléocoprologie. Donc là, il y a une image, Pierre. Ah oui, j'ai la télécommande, pardon. Donc la paléocoprologie, en fait, c'est l'étude des excréments fossilisés, des vieux caca, quoi, qui on trouve, les plus vieux qu'on ait trouvés, c'est des coprolites, donc ça s'appelle un coprolite, en fait, un vieux caca fossilisé, et ça date de 235 millions d'années. Le plus vieux qu'on a trouvé, c'était en Argentine. Et ça a été fait par cet animal-là, le Dinodontosaurus. Donc en fait, ils ont trouvé les premières toilettes publiques, parce que dans un champ très réduit, ils en ont trouvé des milliers. Alors, on va essayer de remonter un peu dans l'histoire. On va voir quel est le premier scientifique à vraiment avoir fait de la recherche sur la digestion. Donc là, j'ai le contrôle aussi de Mel, qui est prof de SVT, donc il va peut-être me... Donc, c'est Spallanzani. Qui a fait les premières expériences sur la digestion. Et comme tout scientifique, en fait, Spallanzani, il était un peu barré. Il a fait énormément d'expériences vraiment bizarres. Notamment, il a mis des couches à des grenouilles pour étudier la reproduction des grenouilles mâles et récupérer ce qui était produit par les grenouilles mâles afin de voir la reproduction des grenouilles. Pour la digestion, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des tout petits tubes en bois troués. Il a mis des bouts de viande dedans et il les a avalés. Et il a testé ça, il en a fait plusieurs. Et à chaque fois, il les récupérait à la sortie. Et il étudiait ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, je vous montre une grenouille avec une couche. C'est une image qui n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir, mais je l'ai oublié. Alors, il a écrit un texte. Chacune de ses recherches était documentée. Il a écrit une phrase que j'ai notée parce que je l'ai trouvée assez, assez drôle. Alors, il a dit « Je n'avalais d'abord qu'un seul petit tube perforé de petits trous où j'avais mis 36 grains de chair de veau cuite et mâchée. Il sortit heureusement au bout de 22 heures, mais il ne contenait plus de chair ni rien du tout. » Donc, il faut bien noter le « heureusement » qui montre quand même le soulagement de ce scientifique au fait que le tube ressorte. Je vais vous parler maintenant de recherches beaucoup plus récentes qui concernent le don de matière fécale. Alors, je suis tombé sur un article, je cherchais des sujets pour mon blog, et je suis tombé sur un article qui est intitulé, donc un vrai article scientifique, hein, que j'invente rien du tout, tout ce que je vais dire là, c'est de la science. Il était intitulé en anglais « Duodenal infusion of donor feces for recurrent Clostridium difficile », ce qu'on peut traduire en français vulgarisé par « infusion de matière fécale de donneur pour soigner la diarrhée ». Donc oui, vous ne rêvez pas, le don de matière fécale est en voie d'expansion, comme le montre ce dessin réalisé par Stéphanie Dubu de Strip Science. Je fais un peu de pub au passage, Pierre. Alors, quelques explications. Donc en fait, Clostridium difficile, c'est une bactérie qui est très résistante aux antibiotiques. En cas de traitement antibiotique, donc quand on a une maladie qui nécessite d'être traitée par les antibiotiques, on a un dérèglement au niveau des bactéries intestinales. Et cette bactérie, étant très résistante, elle va prendre le dessus sur les autres, elle va proliférer et elle va produire des toxines qui vont entraîner des diarrhées. Alors afin de traiter les patients atteints de cette diarrhée, les scientifiques néerlandais ont eu la brillante idée de faire des infusions de matière fécale. Alors, ce n'est pas des infusions en sachet, comme on peut voir sur ce dessin, mais en fait, ils ont fait des infusions directement dans le duodénum. Donc, le duodénum, en fait, c'est ce qui est à la jonction entre l'estomac et l'intestin grêle. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la matière fécale d'une personne saine, ils l'ont mis à infuser dans une solution saline et ils l'ont directement injecté au niveau du duodénum, ce qui a permis de rétablir la flore intestinale. Donc les bactéries après étaient toutes OK et les personnes étaient soignées de la diarrhée. Ils ont réussi à soigner 80% de personnes atteintes de cette maladie grâce à ça. Donc comme quoi le don de matière, on parle du don d'organes, du don de sang, mais il faut aussi penser au don de matière fécale. Allez, dans ma grande bonté, je vais vous parler d'un deuxième article qui est encore plus spécial. Alors celui-là, il a été publié en 2012 dans le magazine scientifique PLOS, qui est un magazine vraiment très, très connu de tous les scientifiques, et qui était intitulé, alors j'ai un peu de mal avec l'anglais, mais je vais essayer de le faire, « An in-depth », oh, tu vas le faire, Alan, il a un meilleur accent que moi. « An in-depth analysis of a piece of shit, distribution of schistosoma mansoni, and hookworm eggs in human stool ». Donc on peut traduire de manière pareille en français et vulgarisée par une analyse en profondeur d'une pièce de merde et ils ont analysé les œufs de, alors je vais relire le mot parce que c'est Schistosoma mansoni. En fait c'est une petite bête qui ressemble à ça et qui est fixée aux intestins. C'est des petits vers en fait qui sont fixés aux intestins et on peut retrouver les œufs dans les matières fécales. Alors, c'est peu ragoûtant, mais je vais vous parler de cet article parce que j'ai trouvé les figures de cet article vraiment géniales. La première que j'ai trouvée, c'est celle-là. Et je n'inventerai, hein, c'est pas moi qui ai dessiné. Donc, c'est les scientifiques. Ils ont dessiné sur Paint une personne en train de faire ses besoins sur une serviette. Ils ont mis cette serviette dans un moule à cake. Ça aussi, ça ne s'invente pas. Et après quelques heures, ils ont observé la matière fécale. Alors, le problème, c'est que les matières fécales, tout le monde ne fait pas les mêmes. Ils ont pensé à ça. Deuxième figure, donc il y a la forme saucisse et la forme grumeleuse. Ils appellent ça comme ça. Hein, Donc, la forme saucisse, comme vous pouvez voir en haut, ils l'ont séparée en plusieurs pièces. Chaque partie, ils l'ont ensuite broyée et analysé l'intérieur afin de voir où se situaient les œufs de ce petit insecte, de ce petit ver. Et en bas, la forme grumeleuse, donc là, ils ont pareil coupé les boules, les boules en deux et regardé où se trouvaient les œufs. Bon, alors c'est sûr, c'est un peu. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre, donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Bien sûr, la science, hein, c'est fait pour être partagé. Et on m'a toujours dit que la science, c'est un métier de merde. Et c'est vrai que je ne peux pas contredire. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que si les scientifiques veulent redorer son image, leur image, parce que c'est vrai qu'on a une image un peu dégradée en ce moment, ce n'est pas forcément avec des sujets comme ça qu'on y arrivera. Merci à tous. De mieux en mieux. Je vous rassure, ça ne va pas aller crescendo. On va se calmer. Est-ce que quelqu'un ose poser une question ? C'est sûr qu'on peut se marrer un peu en voyant ça, mais comme je vous ai dit, ça a été publié dans PLOS, qui est vraiment un très bon journal, enfin un bon journal scientifique, on va le dire, scientifique assez bon. Et c'est une recherche qui est très sérieuse et qui sauve des vies, donc c'est plutôt. Et sur l'injection de matière fécale, il y a une boîte qui est en train de se monter à Lyon et qui va avoir pour vocation de traiter des pathologies très graves, à commencer par des pathologies cancéreuses très sérieuses. D'accord. Bon, bah, vous me faites le lien avec Lyon. Merci. C'est un sujet qu'on avait traité dans Podcast Science aussi. On en avait fait un quiz. Les gens ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon. Effectivement, c'est très sérieux. Je crois que tu avais écrit un billet aussi. Bah, j'avais écrit avant. Ouais, j'avais écrit le papier. Et du coup, on avait fait les dessins. Je vous avais passé les dessins. Alors, je vais me faire un peu de pub, pas forcément pour mon blog, parce que bon, mon blog, il est un peu à l'abandon. Je vais faire de la pub pour Qui dit Science, parce qu'il y a d'autres contributeurs ici, notamment Dr Goulu, qui n'arrête pas de poser des questions. Donc, Qui dit Science, c'est un blog de vulgarisation scientifique à destination des enfants, qu'on a monté depuis 2 ans à peu près, je me sens. Ouais, 2 ans. Et voilà, qui marche vraiment bien en ce moment. Et si vous avez des enfants, c'est pour les petits et les grands, hein. Aussi les grands-enfants, parce qu'on a beaucoup de questions de grands-enfants. On a notamment expliqué ce qu'était un OGM ou quoi aux enfants. Et voilà, il faut vraiment, vraiment aller sur ce site. Deuxième pub, rapidement, après je vous laisse la parole. En mai, il y aura Pint of Science sur toute la France, d'où vous venez, notamment à Lyon. Mais ça, vous en saurez plus avec les blogs et tout ça. Et peut-être juste donner les URL. Donc qui dit science, kidiscience.café-science.org. Alors attention, le premier science est au singulier, le deuxième est au pluriel. Il faudra peut-être faire quelque chose là. Et puis Pint of Science, par contre, je ne l'ai pas sous les yeux. Pint of Science, c'est donc pint-of-science.fr. Tout simplement, vous aurez toutes les infos dessus. Pierre, est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit point sur les dessins? Je suis sûr que les deux derniers sujets ont dû en inspirer pas mal. Alors, Mel, je profite juste parce que je vois qu'il n'y a pas fait de pub sur Strip Science. Donc, tous ces dessins viennent d'artistes qui participent à Strip Science, la plateforme de promotion des blogs BD et de collaboration entre blogueurs et illustrateurs. Allez-y, c'est bien. Donc Mel a dessiné un personnage sur lequel qui nous dit « Grâce au livre de Robin, ma passion pour les carrelages de salles de bain sera comprise ». En effet, donc ça c'était rapport à la présentation sur le livre de 3615 Robin. Maintenant, sur les lions et les tigres. Donc il y a un lion qui fait miaou. Je me méfierais pas mal de ses possibles coups de griffe quand même, c'est vrai. Pierre, tu es strange et funky et dégueulasse. Et je l'assume. Je vais aller faire un don de fesses dans quelle mer je me suis mise. En effet, ces sujets sont assez dégueulasses, il faut le dire. Et enfin, le dessin qui résume tout, les lions sont-ils coprophile? Et enfin, dernier dessin, un gros caca qui dit « Ouais !» du caca contre le cancer. Je regarderai plus jamais la chimio de la même manière, en effet. Après tout ça, on va mettre un peu de poésie. Ouais, c'est ça. On va essayer de remettre un peu de poésie, un peu d'amour dans tout ça avec notre tube national qui va nous parler de l'amour vu par les mathématiciens, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au début de ce mois de février, je suis redevenu célibataire et donc ça y est, j'ai terminé les 4 relations nécessaires pour mettre fin à cet étalonnage de 37%. Alors, soyez pas étonnés, c'est une analyse parfaitement rationnelle de la situation. C'est-à-dire que les règles d'un couple et pour trouver l'âme sœur sont assez simples. Quand on rompt avec quelqu'un, en général, on ne peut pas revenir avec. C'est pas la peine d'hocher de la tête. On a tous essayé, c'est une mauvaise idée. Et ainsi, pour trouver l'homme ou la femme de votre vie, ça appartient au problème d'arrêt optimal. À quel moment doit-on décider qu'on a trouvé l'âme sœur et commenter à construire l'avenir? Et en fait, ce problème, c'est un problème qui est connu. Et la probabilité de trouver la meilleure personne en fonction du nombre de personnes qu'on rejette est facilement calculable. En vous passant les détails calculatoires, vous pourrez les trouver dans un lien que j'ai mis sur l'article. Il vous faut d'abord rejeter autour de 37% des personnes que vous rencontrez pour finalement choisir la première meilleure de ces premiers 37% rejetés. Donc vous commencez par 37% de personnes, vous les testez et ensuite vous prenez le premier qui est meilleur que ces 37% en première. C'est la méthode optimale pour trouver l'âme sœur. Donc, si vous envisagez dans votre vie de rencontrer 10 personnes, il vous faut d'abord rejeter les 4 premières, puis choisir la première des 6 restantes mieux que ces 4 premières rencontres. Donc maintenant que j'ai cet échantillon de 4 personnes, il ne me reste plus qu'à rencontrer les 6 suivantes et j'aurai trouvé l'âme sœur. Du coup, comme on est à Lyon et qu'il fallait faire des liens avec Lyon, on va essayer de voir ce que je peux trouver. Et alors là aussi, il y a un autre mathématicien qui nous aide, Peter Backus, qui a justement une équation pour ça. Si vous avez déjà entendu parler de l'équation de Drake, qui permet d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres dans l'univers, bah, le principe est à peu près le même. Sauf qu'au lieu de calculer le nombre de civilisations extraterrestres, bah, il s'est amusé à calculer le nombre de petites amies potentielles qu'il pouvait avoir à Londres, et moi je vais calculer celui que je pourrais avoir à Lyon. Donc il propose dans son article, dans un excellent article, encore une fois un article scientifique, on n'est pas là pour rigoler, qui s'appelle « Why I don't have a girlfriend, an application of the Drake equation to love in the UK ». Donc il était assez pessimiste. Il donne une équation qui grosso modo ressemble à l'équation suivante. Son équation, c'est le produit de 5 termes qui donc détermine le nombre le produit de 5 termes qui permettent de déterminer le nombre de personnes compatibles qu'on a dans notre entourage. On va s'arrêter à cette slide-là, sinon ça va être compliqué à tourner. Donc les 5 termes, on a un premier terme qui est le terme F, qui est le nombre de personnes vivant en France. Aux dernières nouvelles, c'est autour de 66 millions. On a un terme O qui est le taux de la population française qui est de sexe féminin, 51%. Un terme U qui est le taux de femmes françaises vivant à Lyon, là on tombe à 0,8%. J'ai vraiment vérifié les chiffres. Le D, c'est le taux de femmes à Lyon qui ont le bon âge, parce que là, tout de suite, histoire que ce soit pas trop glauque, vu qu'on voulait passer à un peu de poésie, on va un peu limiter la tranche d'âge que je cherche, à la fois parce que je comprends absolument pas ce qu'est Snapchat, du coup, en dessous de 25 ans, je pense que ça va être compliqué, et vu ma situation, il serait préférable de rencontrer quelqu'un pas trop effrayé par des mots qu'elle comprend pas à la Robin, donc on va dire entre 25 et 39 ans, et ça tombe bien parce que dans les chiffres de la démographie lyonnaise, il y a justement un chiffre pour les personnes de 25 à 39 ans, donc ça concerne 25% de la population. Enfin, à ce stade, l'équation de Bacuse, donc le terme R, lui, il cherchait des personnes qui aient au moins un niveau universitaire. Bon, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus en général, c'est que la personne ait un accès à Internet. Du coup, à ce stade, j'ai rajouté le pourcentage de la population qui a un accès à Internet. Comme on est dans une ville et qu'il n'y a pas de chiffre exact, j'ai pris un chiffre au-dessus de la moyenne nationale, 90%. Et enfin, important mine de rien, la fraction de ces femmes que je trouve attirantes. Donc là, c'est bien sûr le terme qui fait polémique. Histoire de ne pas me mouiller, je vais prendre le même chiffre qu'a donné Bacchus, c'est-à-dire attiré par une femme sur 20. Donc il faut imaginer, c'est toutes les personnes qu'on croise dans la rue, ça donne 5% des personnes considérées. Donc une fois qu'on fait le produit de ces 5 termes, ça nous permet de trouver, en l'occurrence, 2970 potentiels âmes-sœurs à Lyon. Alors, le chiffre paraît pas trop mal, mais encore faut-il considérer le goût de ces demoiselles, accessoirement. Et en plus, surtout après une présentation comme celle-ci, et en plus, ramener à la population lyonnaise, ça nous fait grosso modo une chance sur 27 000 de rencontrer une de ces personnes, ce qui n'est pas énorme. Ça me donne en gros plus de chances de mourir en faisant une randonnée que de rencontrer quelqu'un. Du coup, si vous pensez que Peter Bacchus est un grand malade, c'est sans doute un peu vrai, et en tout cas son équation n'a pas trop marché vu qu'il a rencontré l'âme sœur et il s'est marié il y a quelques années. Mais bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que là, ce qu'on voit c'est qu'il va falloir améliorer la chose et que le bassin lyonnais va pas me suffire. Et, du coup, j'ai décidé d'aller dans un univers bien plus peuplé, les sites de rencontres. Alors, il existe un paquet de sites de rencontres plus populaires les uns que les autres. On va pas parler de tous, surtout qu'il n'y en a qu'un seul qui est vraiment intéressant parce qu'il a été créé par une bande de mathématiciens de Harvard, à savoir OkCupid. Alors, en bon matheux, ils ont créé un merveilleux algorithme pour trouver l'âme sœur et pour optimiser le match entre deux personnes. Il utilise un outil mathématique dont vous avez probablement entendu parler dans votre tendre enfance et que vous avez vite oublié, la moyenne géométrique. Alors, le principe du site, c'est de répondre à des questions sur vos goûts. Par exemple, est-ce que vous croyez à l'amour grâce à l'équation de Bacchus ? À chaque question, vous devez donner 3 informations. Votre réponse à la question, bien sûr. Oui, et je calcule toujours son résultat avant de tenter quoi que ce soit. Là ou les réponses que vous désirez que votre moitié donne. Par exemple, ne doit-on pas interner les gens qui utilisent ce truc dans la vraie vie ? Et enfin, point important, vous devez dire à quel point cette question est importante pour vous. C'est-à-dire de pas du tout importante jusqu'à déterminante. Et grâce à ces informations, le site peut affecter des points aux réponses de vos prétendantes. C'est-à-dire, l'importance que vous donnez à la question vous donne le nombre de points maximal que peut vous donner la question, de 1 à 250 points. 1 quand la question n'est pas du tout importante, 250 points quand elle est déterminante. Et vous gagnez ces points uniquement si la réponse coïncide à ce que vous vouliez avoir, ce qui permet soit d'avoir 0, soit 250, et on additionne tous les chiffres, et on calcule un ratio entre le score que vous obtenez et le score maximal qui était possible d'obtenir. Du coup, imaginons que ma chère prétendante réponde à 3 questions importantes sur 4 que j'avais décidées, à 3 questions importantes sur 4 et je gagne 750 points sur 1000, donc j'ai 75% de compatibilité avec elle. Par contre, il faut aussi étudier sa compatibilité. Et imaginons qu'elle réponde à aucune ou presque des questions que j'obtiens et qu'elle obtienne 1% de compatibilité avec moi. Donc là, on a deux personnes, une qui a 75% de compatibilité avec l'autre et 1% avec l'une. Or, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est un score unique de compatibilité, la chance du couple. Et du coup, là, la première approche serait de faire une bête moyenne classique dont vous avez entendu parler et qui donnerait, donc tu peux mettre la suivante là, oui, il y avait un cœur et puis, qui donnerait 38%. Alors le problème qu'ils se sont posés, c'est que 38% c'est pas mal, mais s'il y a une des deux personnes dans le couple qui aime l'autre à 1%, c'est sans doute un peu surestimer la chance de ce couple. Du coup, ils ont fait appel à l'autre type de moyenne, la moyenne géométrique, c'est ça qui est assez amusant, dont vous aviez entendu parler, qui est l'équivalent pour la multiplication de la moyenne arithmétique, c'est-à-dire qu'au lieu de faire la somme de deux nombres et de diviser par deux, on fait le produit de deux nombres et on prend la racine carrée. Et là, du coup, quand on a un des deux nombres qui est très faible, il n'y a pas de secret, on tombe sur 9%, et donc une moyenne qui est beaucoup plus basse et sans doute beaucoup plus proche de la réalité. Et c'est grâce à ça que ce site de rencontre vous permet à la fois d'avoir un bassin plus grand, vu que vous vous adressez au monde entier, donc par rapport à l'équation de Bacchus, et en plus on cible que des personnes où on a une compatibilité mesurée par ça qui donne quelque chose. Alors du coup, ce qu'on peut quand même se demander, on a réussi notre coup, on a augmenté la probabilité, on est content, donc c'est bon, tout est réglé, on va trouver l'âme sur ride rapidement. Alors probablement pas. Je ne vais pas épiloguer sur la question parce qu'il fallait faire une présentation courte, mais je vais finir par une citation de George Box, trouvée dans l'excellent bouquin que je vous conseille, Mathematics of Love, avec plein d'autres choses, comment optimiser un mariage avec des algorithmes, etc. qui m'a beaucoup aidé et donc qui dit « All models are wrong, but some are useful. » Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Si vous avez des questions... J'ai été, et je suis plus inscrit. On fait ça sérieusement à Podcast Science. Est-ce que tu as trouvé l'âme sœur ? Cette information ne sera pas divulguée. Des questions dans la salle ? Tout à l'heure, tu as parlé de probabilité de vie dans l'univers. Alors, comparé à ta probabilité de rencontrer quelqu'un, ça faisait combien avec l'équation de Bacchus ? En fait, c'est le gros problème de l'équation de Drake et du coup de l'équation de Bacchus. C'est qu'il y a plein de. Il y a 5 ou 6, je ne sais plus, termes dans l'équation de Drake. Et en fonction de ce qu'on leur donne, on peut faire dire tout et n'importe quoi au résultat. Donc, on peut aussi bien en trouver beaucoup que absolument pas, quoi. Ce qui est un peu le cas aussi ici, en fonction du taux de femmes que j'accepte, etc., de mes critères, je peux trouver les résultats très différents. Et je vous conseille l'article de Peter Bacchus qui est très très drôle parce qu'il explique pourquoi lui ne trouvera pas de petite amie à Londres parce qu'a priori, vu ses critères, c'est mal barré. Est-ce que ce serait pas plus rapide de passer par des modèles de Markov ? Sans doute, ce serait une autre possibilité. J'ai pas étudié la question, mais... Vous nous traduisez là pour les normateurs ? Du coup, d'aller tirer un peu au hasard et d'espérer qu'au bout d'un moment, ça se passe bien, grosso modo. C'est un peu ce qu'on fait finalement. Disons qu'il y a moins de critères dans le modèle de Markov. C'est ça, mais c'est moins drôle du coup. C'est votre manière d'optimiser vos chances. C'est beau. Alors, si ce n'est pas le cas, je vais enchaîner avec mon sujet. Ensuite, on va faire une dernière petite pause après peut-être avoir parlé des dessins. Et finalement, Simon Meyer, directeur du planétarium de Vaux-en-Velin, après la pause, nous fera la conclusion de cet après-midi. Alors moi, il me fallait un lien avec Lyon pour mon sujet. Ben, c'est tout simple. À chaque fois que je viens à Lyon, il faut que je parle de bouffe. C'est plus fort que moi. Apprendre en s'amusant, voire en dégustant, après tout, même si ça nous fait passer par des chemins un peu hasardeux, je trouve que c'est toujours un pur bonheur. Alors, on va d'abord revisiter les fondamentaux concernant nos sens et puis on va s'intéresser plus spécifiquement au sens du goût et de l'odorat avant de voir ce que la science peut bien nous raconter sur l'harmonie des saveurs. On perçoit la réalité qu'à travers ce que nos sens veulent bien nous en dire. On l'a encore vu récemment avec l'exemple de la robe bleue et noire pour certains, mais blanche et dorée pour d'autres. Voilà de quoi raviver la vieille question. Est-ce que le rouge que tu vois est le même rouge que je vois? Ou en version culinaire, est-ce que ce curry trop fort pour toi est OK pour moi? Comment ça marche tout ça? Qu'est-ce qui est objectivement réel et qu'est-ce qui est reconstruit par le cerveau? Au niveau du sens de la vue, par exemple, on sait qu'on est super limité. Les trois types de cônes situés au fond de nos yeux ont en fait chacun une taille spécifique qui correspond exactement à la longueur d'onde de la lumière rouge, de la lumière verte et de la lumière bleue. Et on reconstruit une image mentale colorisée de la réalité à partir de cette information très dégradée. À titre de comparaison, la crevette menthe, par exemple, une petite crevette qui a l'air de rien, comme ça, mais qui boxe tout ce qui barre son chemin, tellement fort que ses coups provoquent des étincelles, même sous l'eau. Un truc de ouf, mais enfin, c'est pas l'histoire, ce sera pour Pierre à l'occasion d'un spécial crevette. Là où nous avons trois types de photorécepteurs sensibles à la couleur, les crevettes-mantes n'en comptent pas moins de 16. Alors, impossible pour nous autres, pauvres négligés de l'évolution, de nous représenter la complexité et la vraie beauté du monde telle que l'aperçoivent ces petits crustacés. On pourrait parler du son aussi. Le seul fait qu'il y a un mapping un pour un dans le conduit cochléaire entre les plages de fréquences auditives et les sons qu'on perçoit effectivement laisse songeur quant aux différentes réalités perçues. C'est un peu comme si on avait un clavier dans l'oreille et on n'entendrait les sons que s'ils viennent frapper les bonnes touches. Mais si un son, même très bruyant, qui se passe juste à côté, tombe à côté du clavier, soit parce qu'il est trop grave, soit trop aigu, bah pour nous, c'est comme s'il n'existait pas, alors qu'un éléphant dans le grave ou un chien dans l'aigu l'entendra très bien. Mais alors, qu'en est-il des saveurs ? Est-ce que vous vous étiez déjà demandé comment se fait cette correspondance entre les molécules présentes dans l'aliment et le goût qu'on en perçoit ? Épatant comme question, pas vrai ? On a tous en tête une représentation plus ou moins correcte d'une onde lumineuse ou d'une onde sonore, mais y a-t-il une onde gustative ? Mais en fait, la prémisse de départ est un peu erronée. En effet, ce qu'on appelle des saveurs, c'est bien souvent en réalité des odeurs. Les papilles gustatives distinguent quelques 5 groupes de saveurs. Il y a le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. Exactement. L'umami, c'est un truc un peu indéfinissable, qui est commun aux céleri, aux tomates bien mûres, aux vieux fromages, aux bouillons. Qui donne juste envie d'en reprendre, à mon sens. Et pour renforcer tout ça, on a un système de perception qu'on appelle la semesthésie. Ça, c'est toujours bien placé dans une soirée. C'est écrit avec un H. Qui entre aussi en ligne de compte et qui nous permet de distinguer des saveurs additionnelles, comme le piquant du poivre, du gingembre ou l'impression râpeuse que laissent certains vins. Mais comment, avec un arsenal si faible, est-ce qu'on arrive à distinguer un Gewürztraminer d'un Bourgogne aligoté, un Gruyère d'un Camembert, un café sucré d'un cacao ? Ben c'est tout simplement qu'on ne goûte pas qu'avec la bouche, on goûte surtout avec le nez. Alors, en revisitant la prémisse, la question devient comment fonctionne le mapping entre les molécules odorantes et l'odeur que nous en percevons ? Eh bien, si vous ne savez pas, ne vous inquiétez pas trop, vous n'êtes pas les seuls. Les scientifiques non plus ne sont pas encore trop sûrs de comment ça se passe exactement et plusieurs théories sont encore en concurrence. Une partie du mécanisme est très bien comprise. On sait que les cellules nerveuses de réception des odeurs fonctionnent comme un système de clés et de serrures. Si une molécule volatile, la clé, peut entrer dans le récepteur, serrure, la cellule nerveuse répondra et on percevra l'odeur. La question qui est encore ouverte, c'est « Ouais, mais comment exactement ?» Alors, la théorie la plus populaire, c'est ce qu'on appelle la théorie de la forme, dont un parfumeur a esquissé les grandes lignes en 1949, avant que le monde académique prenne le relais. La clé et le verrou, dans ce modèle-là, du coup, ne sont plus une métaphore. La théorie de la forme postule que nous percevons les odeurs des molécules dont la forme s'emboîte pile-poil dans nos récepteurs protéiniques. On a identifié aujourd'hui 347 de ces récepteurs, ce qui nous laisserait percevoir 347 odeurs différentes. C'est déjà beaucoup plus subtil que les 5 goûts qu'on perçoit avec les papilles gustatives. Mais c'est quand même assez peu en regard des plus de 1000 récepteurs identifiés chez la souris il y a déjà plus de 20 ans. Une évolution de la théorie de la forme, dite la théorie odotope ou olfactophore, suggère quant à elle que les différents récepteurs ne détectent qu'une petite partie de ces molécules et que ces informations fragmentaires seraient recombinées pour former une perception olfactive plus large. Un peu comme la combinaison des informations issues des différents cônes et qui permet de se représenter une palette de couleurs largement plus vaste que les 3 couleurs de base. À mon avis, avec un nom pareil, cette théorie a malgré tout assez peu de chances d'être popularisée. Et enfin, une nouvelle théorie, basée sur une approche complètement différente, suggère que ce ne sont pas les formes des molécules qui comptent, mais leurs vibrations, à un niveau quantique, avec des effets tunnels, de l'intrication, tout ça. Alors bien que passablement controversée, cette approche est quand même soutenue par un nombre grandissant d'études, et on en saura certainement beaucoup plus dans les années à venir. Pour ma part, ce fut une drôle de surprise, en préparant ce petit sujet, que de découvrir qu'on en sait encore aussi peu sur ce sens, si important pour notre survie à travers l'histoire. On en apprend décidément tous les jours. Bon, maintenant qu'on a répondu aux fondamentaux, on peut commencer à s'intéresser aux vraies questions de cette petite présentation. Pendant que certains chercheurs s'interrogent sur la nature fondamentale du fonctionnement de l'odorat, d'autres s'intéressent à des applications très pratiques. C'est ainsi que je suis tombé, un peu par hasard, l'été dernier, au détour d'un épisode du podcast The Naked Scientist, sur les travaux de Sebastian Annert, de l'Université de Cambridge, en Angleterre. Alors lui, il passe sa journée à analyser des saveurs en essayant de comprendre pourquoi le bleu d'Auvergne se marie si bien avec le sauterne ou les fraises avec la crème. C'est de la science savoureuse comme on l'aime. Alors jusqu'à ce jour, il fallait un effet de sérendipité, c'est-à-dire un doux mélange de hasard et de génie pour qu'on découvre et qu'on retienne les mariages harmonieux des saveurs. Pourquoi est-ce que le jambon se marie mal avec le chocolat blanc, par exemple, alors qu'il passe plutôt bien avec de la moutarde ou même avec du miel ? Eh bien, Sébastien Hannert et d'autres chercheurs pensent qu'on peut désormais se passer de la dimension aléatoire pour faire ce genre de découverte. Ils ont fait une observation toute simple. Il semble qu'à chaque fois que deux saveurs vont bien ensemble, on leur trouve au moins une molécule en commun. C'est là qu'intervient la magie de la science et des bases de données informatiques. Si au lieu d'attendre de découvrir ces harmonies délicieuses par hasard, au risque de goûter à des combinaisons vraiment répugnantes, on listait tout simplement les molécules connues des aliments connus pour voir quels aliments ont au moins une molécule en commun. Alors ça se fait grâce au GCMS, si jamais, c'est le petit nom de la chromatographie en phase gazeuse spectrométrie de masse. Si vous n'avez pas peur de perdre vos amis lors des soirées avec ce genre de sortie. Donc, dans l'émission que j'ai entendue, le chercheur a testé le pouvoir prédictif de la science sur les animatrices, qui étaient un peu inquiètes, en leur faisant goûter des combinaisons. Les combinaisons suivantes, il y avait framboise et olive verte, chocolat noir et fromage bleu, papaye et parmesan, banane et persil. Avec un succès relatif. En creusant un peu sur l'Internet mondial, j'ai trouvé d'autres combinaisons potentiellement intéressantes. Le foie de porc et le jasmin partagent une molécule en commun, c'est l'indole. Le chocolat blanc et le caviar partagent de la triméthylamine. Le chocolat et la viande rouge partagent des pyrazines. D'ailleurs, un restaurant de Lausanne, la ville où j'habite en Suisse, propose dans sa carte du soir une entrecôte de bœuf au chocolat et gara noir. Le gara noir, c'est un cépage local. Je confirme que c'est tout à fait épatant. On peut aussi se servir de la compatibilité des molécules entre elles pour des substitutions. Si les GCMS disent vrai, les tomates et les fraises seraient interchangeables. Pratique si vous avez oublié d'acheter des fraises pour le dessert. De même, si vous êtes à court de bouillon, vous pouvez théoriquement le remplacer par du café. Ou alors, plus sérieusement, le basilic, qui contient du linalol, de l'estragol et de l'eugénol, peut théoriquement être remplacé par de la coriandre, qui contient du linalol, de l'estragon, qui contient de l'estragol, ou des clous de girofle, qui contiennent de l'eugénol. Alors, comme je ne sais pas trop comment conclure cette petite intervention, ce que je vous propose, c'est une petite expérience pendant la pause. Les plus courageux d'entre vous pourront valider tout cela, et laissez un commentaire sur le site web de Lyon Science, donc je rappelle l'adresse lyon-science.fr, ou de Podcast Science, podcastscienceenunmot.fm, ces prochains jours, et puis partagez leurs impressions. Et pour reprendre l'idée que j'ai survolée tout au début de mon intervention, quant à la fiabilité de nos perceptions, il faudra aussi un volontaire ou deux en bonne santé, qui n'a pas trop de problèmes au niveau de l'émail dentaire et qui n'a pas de problème d'estomac. La courageuse personne pourra faire une expérience avec de la miraculine que j'ai trouvée sur un site illégal chinois, une molécule tirée du fruit miracle qui modifie temporairement la forme des récepteurs situés sur votre langue pour transformer en douceur les saveurs les plus acides. Un temps, c'était proposé comme méthode de régime un peu miracle, mais je crois que ça n'a pas vraiment pris. Là aussi, il faudra nous laisser un petit commentaire. Donc, vous avez pratiquement toutes les combinaisons que j'ai évoquées sur la table derrière, sauf le foie de porc et le jasmin, parce que je ne savais pas trop comment conditionner ça. Et puis, on n'a pas la papaye et le parmesan non plus, parce qu'il n'y avait pas de papaye au monoprix de la gare de la Part-Dieu. Mais pour tout le reste, on a les mélanges, il faudra essayer. Bon courage. Et souvenez-vous, vous servez la science et c'est votre joie. S'il n'y a pas de questions, on fait peut-être un petit point sur les dessins avant de... Avant la pause, et puis ensuite vous pourrez déguster joyeusement. Alors, en réponse justement au sujet de la science de l'amour, il y a l'équation G-foudre. Donc G égale F, personne vivant en France, O, femme, U, vivant à Lyon, D, pourcent de femmes à Lyon dans le bon âge, R, pourcent de femmes ayant accès à Internet, E, pourcent de femmes trouvées attirantes, 1 sur 20. Donc la formule pour trouver l'amour, je vais m'en choper de la lyonnaise, nous dit donc Nicotup. Et sinon, quelqu'un réagit, il y a donc deux personnages. Mais pourquoi du gruyère dans ton nez ? C'est pour mieux kiffer le goût, voyons. Donc tous ces dessins seront diffusés et sur Twitter et bien entendu à la fin sur Strip Science. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, moi j'avais une question. Je me demandais par rapport aux odeurs, finalement il y a eu une révolution quand on a commencé à pouvoir écrire les idées, il y a une révolution quand on a commencé à pouvoir fixer les images avec la photo, etc. Et je me dis, à quand le moment où on va pouvoir finalement facilement et au niveau du grand public fixer, enfin pas fixer, mais avoir une trace des odeurs et avoir la possibilité de prendre une odeur et d'avoir immédiatement, d'en garder une mémoire. Est-ce que c'est pas quelque chose qui c'est pas une révolution à venir, et qu'est-ce qu'on sait de tout ça? Je suis malheureusement bien incapable de répondre. J'ai entendu des trucs là-dessus, mais via le journal télévisé de France 2, donc ça vaut ce que ça vaut. si on a quelqu'un dans la salle qui a une idée. En fait, la plupart de ces fonctions justement de détection de phéromones ou de détection d'odeurs, elles sont assez déprimées chez les primates et particulièrement chez les humains. Notamment, il y a un organe, le voméronasal, qui permet normalement de stocker toutes les phéromones et qui est un peu à l'état... On ne sait pas si il est non fonctionnel, mais en tout cas, il est vraiment résorbé par rapport à d'autres groupes. Donc, faudrait aller à l'encontre de l'évolution vis-à-vis de ça. Je ne sais pas si on peut le faire. Commentaire ou une réponse ou une question de notre ami Goulu? Oui, je ne sais pas si c'est dans la cible, mais à Yverdon, il y a une école d'ingénieurs qui a développé un système pour les parfumeurs permettant de faire des dosages très précis de énormément de produits différents, quoi. Alors, je ne sais pas exactement. Dans la parfumerie, on utilise des centaines différents. Et puis, donc, la machine permet de faire n'importe quelle combinaison de ces centaines de bases avec des dosages extrêmement précis. Je n'ai pas vu la machine complète. Par contre, ils en ont une version réduite qui fonctionne dans les expositions pour faire de la publicité, qui fait des cocktails. Et c'est très, on peut programmer son propre cocktail en donnant combien de gin, combien de rhum, combien de jus d'orange on veut. Ils font la démo avec ça. Donc apparemment, c'est en cours, en tout cas dans le domaine industriel. Ok, dernière partie de cet après-midi. On passe la parole à Simon Meyer, directeur de l'Observatoire de Vaux-en-Velin, qui va conclure l'après-midi. Ce sera une présentation assez brève. De ce que j'ai compris, il souhaite laisser beaucoup de place pour les questions-réponses. Alors préparez vos questions, on passera vers vous avec des micros. Bonjour, merci de m'inviter. Alors, je vais juste modifier un tout petit peu, c'est pas l'observatoire, c'est le planétarium, mais justement ça permettra de faire une belle introduction. Pas un observatoire, parce qu'effectivement un planétarium c'est pas un lieu de recherche, hein, on ne mène pas de recherche scientifique dans notre lieu, mais par contre on travaille en collaboration, je vous le montrerai tout à l'heure, avec un certain nombre d'observatoires, l'observatoire de Lyon bien entendu, mais aussi les observatoires notamment de Grenoble. Donc effectivement, comme je disais, je vais faire une petite présentation. Je sais que c'est la fin de journée, enfin la fin d'après-midi pour vous. Vous avez eu déjà pas mal de présentations. Donc l'idée, c'était peut-être plutôt d'échanger avec vous si vous avez des questions sur cette structure. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà venus au planétarium. On peut peut-être commencer par ça. Levez la main. D'accord, les autres dehors. Voilà. La moitié des mains se sont levées. Donc je vais vous parler un tout petit peu de ce planétarium. Je voulais commencer effectivement par la petite phrase de madame la députée maire, donc Hélène Geoffroy, parce qu'elle situe bien l'équipement, c'est-à-dire c'est un équipement municipal. Je suis moi-même fonctionnaire, c'est-à-dire je suis fonctionnaire territorial. Et ça, c'est important, je le dis toujours en début de présentation, parce que ça permet de calibrer un tout petit peu les choses. Nous avons une mission de service public avec une mission un peu particulière, est très originale, celle de parler de la science, et notamment de la science qui se fait actuellement, ce qu'on appelle les savoirs émergents, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors on n'est ni une entreprise, ni une association, ça signifie qu'on mène aussi des actions sans, je dirais, de pression économique, de rentabilité à tout va. La seule pression qu'on a, c'est de faire le plus de public possible. Donc ça, c'est aussi important, puisque ça veut dire que, notamment lorsqu'on a, par exemple, une boutique ou lorsqu'on est en recherche de financement, on a moins de pression lorsqu'on a ce cadre juridique qui nous est offert et on est plus libre pour mener tout un tas d'actions sans forcément s'imaginer ou regarder l'impact économique, savoir si il faut tendre un équilibre ou pas. Alors bien évidemment, ça reste quand même de l'argent public, c'est-à-dire que le planétarium de Vaux-en-Velin, aujourd'hui, c'est un équipement de la ville de Vaux-en-Velin, c'est-à-dire qu'il est payé à 99% par les impôts des habitants de la ville, le pourcent restant étant de l'argent qu'on reçoit de la région Rhône-Alpes. Donc ça veut dire aussi qu'on est soucieux, bien sûr, de la dépense, bien sûr, de cet argent. Alors... ce bâtiment, pour ceux qui l'ont déjà visité, il a une histoire puisqu'il a été créé en 1995. Alors en fait, en 1995, c'est la partie que vous voyez ici à l'arrière de l'image. Au tout début, il a été créé uniquement avec une salle de spectacle, une grande salle puisqu'elle fait 150 places, avec un dôme de 15 mètres. Et on est venu rajouter les bâtiments que vous voyez ici et le grand bâtiment, malheureusement, qu'on voit juste là sur le côté, l'année dernière, puisqu'on a ouvert dans cette configuration il y a un peu plus d'un an maintenant. C'est-à-dire qu'on a agrandi le planétarium fort du succès que le premier bâtiment avait. Alors, fort du succès, ça signifie quoi ? C'est-à-dire qu'on était à 50 000 visiteurs par an, on est passé aujourd'hui à 90 000 visiteurs par an dans cette structure. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas grand-chose. Hein. Si vous le comparez par rapport au musée des Confluences, c'est pas grand-chose. Si vous le comparez, bien sûr, à un autre petit équipement, bah, c'est beaucoup. Donc, on est ce qu'on appelle nous en équipement médian, en équipement moyen. Une vingtaine de permanents qui travaillent pour cette structure, dont à peu près 8 à 9 personnes qui travaillent face publique, donc qui sont vraiment en médiation et qui rencontrent le public. Alors, quels sont les objectifs de cet équipement ? Donc, c'est un équipement de culture scientifique et technique. Et son premier objectif, bien sûr, c'est de valoriser la science et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les savoirs émergents. Alors, pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi un planétarium à Vaux-en-Velin et pourquoi on n'a pas fait un planétarium, à un moment donné, place Bellecour ou place des Terreaux ? Pourquoi on a choisi de décentrer cet équipement ? Alors, comme je vous disais, c'est un équipement municipal et un équipement comme celui-ci, qui est un équipement complètement atypique dans les équipements culturel, pensez bien qu'il faut la volonté d'un homme, c'est-à-dire d'un maire à l'époque, pour pouvoir porter un tel projet. C'est quand même des investissements assez lourds, c'est-à-dire on parle d'entre 10 et 15 millions si on consolide l'ensemble. Et bien évidemment, il ne s'agit pas d'une piscine, il ne s'agit pas d'une bibliothèque, il ne s'agit pas d'une école. Donc comme c'est un projet complètement atypique, ben, il faut arriver à convaincre des financeurs de pouvoir financer ce type de projet. Le maire à l'époque avait fait ce choix parce qu'il y avait un contexte, Vaux-en-Velin, vous connaissez sans doute la réputation de la ville de Vaux-en-Velin, deuxième ville la plus pauvre de France, 40 000 habitants, avec un parc social de 75%, là où certaines communes de l'Ouest lyonnais approchent les 5%. À peu près, une explosion dans les quartiers, donc dans les années, au milieu des années 90. Et le maire à l'époque se dit, j'ai deux façons de concevoir une ville. Soit j'en fais une zone industrielle, une zone commerciale, comme on trouve vers Saint-Bonnet-de-Mur, par exemple. Soit je prends le contre-pied et je remets du service public, je remets du culturel dans ma ville. Et je fais table rase d'un certain nombre d'équipements, justement, commerciaux, etc. Alors, c'est bien sûr la deuxième voie qu'il a choisie. Et il a cherché un lieu culturel assez original pour parler de la science, parce qu'il s'est dit, dans les années 90, qu'on allait rentrer dans le 21e siècle et qu'il fallait absolument pouvoir donner aux habitants de Vaux-en-Velin un équipement qui leur permette de leur expliquer ce que c'était que les sciences d'aujourd'hui, les technologies d'aujourd'hui, pour forger chez eux ce qu'on appelle l'esprit citoyen. Donc de leur apporter en fait des éléments de compréhension pour qu'ils puissent mieux vivre le monde. Alors c'est le choix d'avoir fait cet équipement. Et dans cet équipement, bah, dans le cahier des charges qui nous est donné, bah, c'est d'inviter effectivement des scientifiques dans ce lieu, dans cette banlieue de Lyon, et de faire venir à la fois donc, les enfants de la ville, les habitants, mais également des habitants de la région, puisque le bâtiment a été aussi conçu comme un pôle d'attractivité. On commencer à parler des années 90 de marketing territorial et donc comme un pôle aussi pour revisiter la ville de Vaux-en-Velin. Et pour ceux qui sont venus, ben vous êtes sans doute aperçu que Vaux-en-Velin n'était pas comme le décrivaient les médias, c'était pas une ville à feu et à sang, il n'y avait pas que des femmes voilées, etc., etc. Donc effectivement, c'est aussi un choix volontaire de le faire, mais ce qui n'enlève pas qu'il y a encore des inégalités, qui sont des inégalités criantes sur notre territoire, mais ça a été la réponse politique qui a été amenée pour essayer de lutter contre ces problématiques-là. Alors, souvent, on nous dit, mais Vaux-en-Velin, c'est loin. Alors, c'est vrai que pour un Lyonnais, Vaux-en-Velin, c'est loin. Il faut passer le périphérique. Il faut à peu près 10 minutes de voiture, si on s'y prend bien. J'habite Villeurbanne pour venir ici. Alors, certes, il y avait le match, mais j'ai mis à peu près une heure, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, Vaux-en-Velin, effectivement, c'est pas si loin que ça. Et comme je vous dis, aujourd'hui, le succès est au rendez-vous, puisqu'on a à peu près 90 000 personnes qui viennent dans cet équipement. Donc, cet objectif de parler de la science émergente, c'était aussi un objectif assez courageux, parce qu'on pouvait très bien parler de la science dans un rapport uniquement encyclopédique, parler de Galilée, parler de Tycho Brahe, etc. On a fait le choix de parler de physique quantique. On a fait le choix de parler de physique relativiste et donc de rentrer dans ces sujets qui étaient très, très peu vulgarisés. Alors, il a fallu pour cela construire un certain nombre d'outils pour pouvoir en parler. Donc ça, ce que je vous présenterai tout à l'heure. Mais aussi s'entourer de personnes compétentes pour en parler. Et ça a été le choix notamment d'embaucher des animateurs scientifiques, donc ce qu'on appelle des médiateurs scientifiques, qui ont tous un doctorat de physique. Ça, c'est aussi lié au travail que l'on mène avec les laboratoires. Ces laboratoires, chaque année, nous disent qu'il y a un certain nombre de doctorants qui ne vont pas continuer la recherche. Et lorsqu'on a une ouverture de poste, on prend ces doctorants et on va les former à la médiation scientifique. Donc, c'est un travail qui est relativement long, ça dépend un peu des personnalités, leur apprendre justement à parler de cette physique. Mais on a fait ce choix, c'est-à-dire d'avoir des médiateurs finalement qu'un bac plus 7, bac plus 8, et de pouvoir justement les former au contact du public. Alors ce public, il est très divers. On touche toutes les catégories socio-professionnelles. À la fois, il y a des personnes, bien sûr, qui ont un bagage scientifique et qui viennent nous voir, mais on a aussi du tout public, de jeunes enfants, puisqu'on commence nos activités à partir d'un an et demi. Donc vous voyez qu'on commence très très tôt, tellement tôt qu'on est là sur un sujet complètement innovant. Bien sûr, on est là dans ce cadre-là, dans de la sensibilisation. On ne va pas leur parler des effets tunnels tout à l'heure, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Mais on commence effectivement très tôt pour aussi leur apporter des éléments de langage, des images qui vont pouvoir ensuite cultiver tout au long de leur approche de la science. Cette approche, là, vous avez par exemple un médiateur, Alexandre, qui a effectivement un doctorat d'astrophysique à Grenoble. Et vous le voyez ici en scène dans le cadre des expositions permanentes du planétarium qui sont dans le grand bâtiment noir qu'on voyait tout à l'heure. Un autre objectif du planétarium, c'est aussi de cultiver la science, c'est-à-dire d'inviter des scientifiques, mais pas que des scientifiques, c'est d'inviter aussi des philosophes, des historiens, des géographes, des philosophes, pour venir nous parler des sciences de l'univers au sens large. Dans les sciences de l'univers, on peut parler d'astronomie, on peut parler d'astrophysique, on peut parler aussi de culture spatiale. Mais on invite, comme ici, aussi des artistes. Là, vous avez un artiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Adrien Mondeau, et avec lequel on a conçu une exposition qui s'appelle XYZT. Et qui permettait de regarder un peu autrement notre place dans l'univers, notre rapport à l'espace à travers un certain nombre de dispositifs numériques très immersifs et qui a été proposé à l'ouverture du planétarium. Un équipement comme le nôtre, c'est aujourd'hui un équipement qui joue sur plusieurs périmètres. Je vous parlais de son implication dans la ville de Vaux-en-Velin, dans les quartiers, bien entendu au point de vue régional, donc région Rhône-Alpes-Auvergne, mais bien au-delà, à l'international, puisqu'aujourd'hui, des lieux comme les planétariums sont des lieux qui sont connectés avec les grandes agences, que ce soit l'ESA, que ce soit bien sûr le CNES au point de vue national. Il y a toute une coordination avec un certain nombre d'acteurs dans lesquels on travaille avec eux, on décline un certain nombre de programmes. Et puis, ce sont des personnalités qui peuvent venir rencontrer aussi des publics. Ce qui implique forcément d'être beaucoup aussi présent dans un certain nombre de réunions à l'international pour pouvoir discuter d'un certain nombre de sujets. Le dernier en date, ça a été le cas de la sonde Rosetta. Sonde Rosetta, qui est un programme européen, et on a eu d'ailleurs beaucoup, beaucoup de mal à faire comprendre à l'ESA l'importance de diffuser les résultats de cette mission auprès du grand public. Ça a été très, très tardif. Et l'ensemble des grandes structures comme les nôtres se sont réunies au moins trois fois, trois ans juste avant l'arrivée de Rosetta, pour pouvoir arriver à convaincre justement ces décideurs de nous envoyer des informations, nous envoyer des plans, des photos, des images, pour qu'on puisse le jour même retranscrire cet événement au grand public, tout simplement parce qu'on est aussi dans un contexte un peu de compétition. Vous êtes submergé d'informations qui viennent notamment de la NASA. Eux, ils ont depuis très longtemps compris qu'effectivement, il fallait transmettre cette information auprès du grand public. Mais malheureusement, en Europe, on a un peu de difficulté encore à valoriser justement nos savoir-faire. Et donc, c'est aussi notre travail d'arriver à convaincre ces grandes institutions de le faire. Alors, je vais vous présenter quelques-unes des actions qu'on peut proposer. Alors, je ne vous ai pas fait une liste à la Prévert parce que ces actions, elles sont très, très diverses. D'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre, j'écris à peu près 60% de ma programmation. J'ai un peu l'habitude de donner toujours ce ratio. 60%, ça veut dire que je vais, par exemple, commander des films que je vais pouvoir projeter ici, dans la salle du planétarium. On va commencer à imaginer quelques événements. Donc là, vous avez par exemple un physicien d'Annecy le Vieux qui vient parler de la courbure de l'espace-temps au cours d'un événementiel. Mais on laisse à peu près 30 à 40% de notre programmation complètement libre. C'est-à-dire qu'en fonction des rencontres que l'on peut faire dans l'année, des propositions qui nous sont faites, on est dans la capacité de pouvoir les récupérer et de pouvoir les programmer. Tout simplement parce que certaines structures, je vous donne l'exemple ici d'une association qu'on appelle AOA Productions, organise tous les ans un festival à l'occasion du 12 avril, donc de l'anniversaire de l'arrivée de Yuri Gagarin. Et ils sont par exemple venus nous voir à peu près un mois avant l'événement, et on a été en capacité de programmer l'événementiel, c'est-à-dire de co-construire avec eux toute une programmation pour pouvoir le faire. Si on n'avait pas eu cette réactivité, on aurait été incapable, bien sûr, de programmer ce type d'événementiel. Donc on veut un équipement qui soit très ouvert, qui soit très vivant. Vous avez ici un autre événementiel, c'est un atelier où on essaye de refaire une comète. Justement, c'est un des ateliers qu'on a mis en place pour la sonde Rosetta. Et pareil, c'est un atelier qu'on a découvert à peu près un mois avant de pouvoir le proposer au public, et on a été assez réactifs pour pouvoir le faire. Donc le planétarium, c'est à la fois effectivement des expositions, des films, des ateliers, des événementiels. Vous avez ici un événementiel assez important qu'on programme aussi deux fois par an. Ce sont ce qu'on appelle les résidences vidéophoniques. On travaille avec une association locale qui s'appelle AADN. Je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent, ce sont des spécialistes en art numérique qui proposent deux fois par an d'accueillir des artistes auxquels on laisse carte blanche pour pouvoir présenter un sujet. Et donc là, on a reçu l'année dernière deux artistes québécois qui sont venus mapper sur le dôme du planétarium, donc cette grande structure filaire. Alors si vous avez été très bons yeux sur la pub Mac des 40 ans de Mac, je crois, non peut-être pas, 20 ans de Mac, on a eu une microseconde. Ouais, ils sont venus. Ça nous a pris une semaine de travail pour avoir une microseconde sur un spot international. Et ça, c'est aussi important, c'est d'avoir un lieu ouvert sur le monde artistique. Ces artistes, ils ne viennent pas là pour parler de la science, bien évidemment, mais ils viennent nous parler de leur représentation du monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment leur représentation du monde vient interroger la représentation du monde du scientifique, et comment ces deux entités, qu'on sépare souvent, peuvent justement dialoguer, et ce qui se passe en friction entre ces deux mondes. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que je veux juste m'attarder sur cette petite photo qui est là. Ça, c'est un dispositif qu'on appelle un incubateur. On est aujourd'hui une des rares structures à proposer ça. On en avait un peu marre que les gens viennent chez nous. Alors ça peut vous paraître aberrant, mais on voulait aller aussi chez eux, on voulait aller aussi au domicile. On avait un peu marre surtout d'avoir finalement un public qui vient pendant une heure et demie, deux heures au planétarium, et puis on aurait voulu aller plus loin avec eux, passer 5 heures, 6 heures, des jours entiers, des semaines entières avec eux, puis on avait un peu de mal à le faire. Et donc on a imaginé avec les médiateurs, vous avez Pierre qui est ici, qui est le grand animateur de ce dispositif, on a imaginé un dispositif qu'on appelle souvent art-science. Alors, je n'ai pas le temps de revenir sur cette notion-là parce que j'aurais beaucoup à dire dessus. Mais grosso modo, on a invité un scientifique et un artiste à venir 6 mois en résidence au planétarium. Et pendant ces 6 mois, on propose donc à 10 familles de Vaux-en-Velin de participer à une expérience un peu folle. On ne sait jamais trop où ça va. Au départ, on leur dit, on va faire une expérience avec vous, une expérience de physique contemporaine. Vous allez la faire avec nous. Les scientifiques s'embarquent dans cette expérience et on ne sait pas du tout vers quoi ça va nous mener. Mais vous allez les inviter chez vous et l'expérience va se dérouler dans votre salon, dans votre cuisine, dans vos toilettes, là où vous voulez. Et on va venir faire l'expérience avec vous. Et c'est ce qu'on produit. Donc l'année dernière, on a créé ce qu'on appelle des électroscopes qui permettent de mesurer la radioactivité et une partie des rayons cosmiques. Et puis là, on a commencé il y a 2 semaines, deuxième incubateur. On travaille avec un physicien qui est à l'Institut de physique nucléaire de Lyon. Et là, cette fois-ci, on est parti pour faire des chambres à brouillard. Et donc à nouveau, pour mesurer effectivement un certain nombre de particules. Et on va le faire avec des plaques de four, avec de la glace carbonique. Ils vont venir au planétarium, on va leur donner ce qu'il faut. Puis la plaque de four, etc., ça c'est eux qui le trouveront eux-mêmes. Et pendant ces 6 mois où dure l'expérience, on a 10 familles qui n'y connaissaient au départ rien en science, qui vont faire cette expérience. Le scientifique va passer chez eux, va regarder les résultats, va travailler beaucoup, bien sûr, sur la démarche expérimentale. Et ces résultats-là sont renvoyés ensuite à l'Institut physique nucléaire de Lyon, où là, il y a un certain nombre de scientifiques, théoriciens et d'ingénieurs qui vont prendre les résultats et qui vont essayer aussi de les analyser, de les comprendre. Donc, il y a des allers-retours qui vont se faire entre des habitants qui sont dans des maisons, dans des tours d'immeubles, etc., et ces laboratoires. Et pendant ces 6 mois, on invite ces familles à aussi visiter des laboratoires, c'est-à-dire qu'on les amène par exemple à Modane, au tunnel de Modane, vous avez un laboratoire de physique fondamentale, on les amène là-bas, on les amène dans des lieux de science où effectivement ils n'ont généralement pas accès, là on leur ouvre les portes pour leur montrer ce que c'est que la science d'aujourd'hui. Et puis l'artiste, il accompagne tout ce projet et à partir de cette expérience, il va créer un certain nombre de choses, un certain nombre de pièces qui seront ensuite présentées au cours d'une exposition dite de restitution en fin d'année, entre octobre et janvier, et où on montrera justement le travail que l'on peut faire. Alors je ne vous présente pas toutes les actions, mais on a aussi quelques petites actions. Alors, je ne sais pas pourquoi chaque fois je les mets sur les bords, alors que j'aurais pu les mettre en centrale. Cette petite action que vous avez ici, ce qu'on appelle le ciel de quartier, ciel de marché, c'est une opération où à peu près une fois tous les trimestres, on amène nos télescopes avec aussi des astronomes dans les quartiers de Vaux-en-Velin, en bas des tours. Et on attend que le public arrive et on leur fait observer le ciel. Et on leur fait observer le ciel en plein centre-ville. Donc on est dans la capacité d'observer Jupiter, Saturne, le Soleil dans le ciel de marché. C'est assez rigolo dans les marchés. Vous imaginez les gens avec des cabas qui d'un coup arrivent, posent leur cabas et peuvent justement observer le Soleil. Donc ça, c'est pour vous montrer que justement, on a effectivement un ancrage territorial qui est important, d'aller au contact de ce public et de leur expliquer ce que c'est que la science, comment on l'a fait, et que la science n'est pas une opinion comme une autre. J'aurais pu d'ailleurs commencer un peu ce propos. Pourquoi on a fait aussi un planétarium? C'est parce qu'on constate de plus en plus qu'il y a effectivement un certain nombre de personnes qui sont là, qui habitent l'espace public et qui diffusent un certain nombre de messages qui ne sont pas des messages de science. J'ai eu le cas récemment, je suis parti à Paris, et sur le parvis de la part Dieu, j'ai eu droit à deux beaux formulaires, comment l'univers s'est créé, comment la vie s'est créée. Et je vous avouerai que des exemplaires, ils ont été distribués par centaines, voire milliers d'exemplaires sur le parvis. Et donc, il faut faire attention parce que ces forces obscures, entre guillemets, elles occupent le terrain. La dernière fois, je les ai croisées au parc de la Tête d'Or. Elles distribuent aussi leurs brochures devant les parcs. Et on est là justement aussi pour lutter contre ces formes d'obscurantisme parce qu'on sait vers quoi elles tendent. Et donc, il est important aussi à un moment donné d'être... Quand je dis d'être, c'est l'ensemble, c'est-à-dire les scientifiques et des équipements comme les nôtres, de pouvoir parler de ces projets. Alors je vais conclure sur l'avenir du planétarium. Au planétarium, on démultiplie aussi un certain nombre d'actions. On est en train de travailler sur une configuration de Living Lab, c'est-à-dire encore d'ouvrir encore un peu plus le planétarium que ce qui n'est aujourd'hui, avec la possibilité notamment de proposer à un certain nombre de scientifiques de venir évaluer leur protocole scientifique. Alors c'est pour ça que je vous ai mis le petit robot NAO. L'INSERM, par exemple, est venu nous voir il y a à peu près, c'était fin janvier. Il voulait travailler avec nous sur un protocole médical pour les enfants autistes. En fait, ils se sont aperçus que le petit robot NAO permettait d'améliorer la communication entre les enfants autistes et leurs parents ou les professionnels qui les accompagnent. Mais pour mener ce protocole à bien, il fallait qu'ils puissent faire un certain nombre de mesures au préalable avec des enfants non autistes. Et donc, ils sont venus au planétarium tester ce dispositif. Et donc, nous, on a organisé cette animation. Et donc ça, c'est un type d'action dans lequel on est de plus en plus sollicité, c'est-à-dire des laboratoires, pas forcément d'astronomie ni de culture spatiale, mais qui viennent nous voir pour nous proposer justement, quelque part, d'utiliser notre public comme cobaye pour justement participer à des protocoles scientifiques, des protocoles expérimentaux. Et on a un public qui répond très, très favorablement à ce type de demande, donc c'est quelque chose qui va s'accélérer dans le temps. On mène aussi des actions pour certains types de publics. Je pense notamment au public aveugle, au public handicapé. Donc on a des dispositifs comme ici qu'on est en train de tester aujourd'hui qui permettent de pouvoir faire une séance en fait, d'astronomie au planétarium pour des malvoyants et des non-voyants. Donc on a créé un certain nombre d'outils pour pouvoir le faire. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, aussi des séances pour les tout-petits, pour les 1 an et demi, avec des professionnels de la petite enfance, parce que bien évidemment, pour ce type de public, on se fait aider. Alors pourquoi on le fait, cette action? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que dans les quartiers, les professionnels de la petite enfance, c'est-à-dire les assistantes maternelles, étaient souvent très... très isolées, c'est-à-dire qu'elles allaient par exemple dans les bibliothèques, mais elles ne communiquaient pas entre elles, elles étaient très très peu en relation avec le monde de la culture, et donc on a imaginé effectivement une séance sur mesure avec les petits-enfants, alors bien sûr dans un format complètement différent de ce qu'on peut proposer d'habitude, qui sont des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus dynamiques, mais c'est quelque chose qui rencontre un grand grand succès, et on va présenter l'action au musée du Quai Branly fin mars, Donc la Cité de la Villette et le Quai Branly sont également en train d'expérimenter des dispositifs similaires. Et là, on va faire une restitution avec eux pour essayer de co-construire des animations. Un an et demi, c'est vraiment très petit. Je vous assure qu'en termes d'éléments de langage et de posture, ça nécessite notamment aux animateurs de chanter. Je crois que ça a été le plus dur pour eux, finalement, c'était apprendre à chanter pour ça. Et puis, là, ici, vous avez une coupe. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu vous amener le dessin parce qu'on est en train de le faire. Derrière le planétarium, ici, on est en train de construire un grand jardin de 3000 m² dans lequel il y aura un observatoire. Mais il y aura également un potager lunaire, puisqu'on va essayer de combattre. On arrive au printemps. Vous allez voir que vont fleurir sur dans tous les magasins de plantes cultivé avec la Lune. Et donc, on a décidé de faire un potager lunaire pour leur montrer qu'effectivement, la Lune n'a pas d'effet sur la pousse des tomates, des fraises, si j'ai bien compris tout à l'heure. Donc, on va mettre en place tout un potager lunaire pour travailler avec des botanistes de Lyon 1 pour faire un vrai jardin expérimental et pour travailler sur cette problématique. On n'a pas encore trouvé le projet pour les horoscopes. Si vous avez des idées, je suis assez preneur. Je suis un peu en guerre contre les TCL, puisque les TCL ont décidé de faire des horoscopes dans tous les bus. Je suis complètement consterné, mais voilà, ça, c'est quelque chose avec lequel on va travailler. Donc c'est pour dire que le planétarium évolue au cours du temps. Et puis, si certains d'entre vous veulent à un moment donné travailler avec nous sur tout un tas de projets, nous, on est très, très ouverts pour ça. Et c'est bien noté, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. On viendra peut-être faire un podcast en direct des étoiles. Est-ce qu'on a des questions pour Simon Meyer dans la salle ? Bonjour, merci. Alors déjà, merci pour cette présentation, parce que j'étais absolument pas au courant du fait qu'il y avait un planétarium à Vaux-en-Velin. Donc maintenant, je le sais, je me dis que j'irai faire une petite visite un de ces jours. Et alors, j'ai deux questions qui sont absolument pas reliées entre elles. La première, c'est cette histoire de potager lunaire. En fait, je voulais savoir l'idée qu'il y a derrière, ce serait que la Lune fait pousser les plantes ou les tomates ou je ne sais pas quoi, c'est ça ? Ben en fait, si tu regardes bien ce qui va se passer donc à partir là dans une ou deux semaines, on va voir fleurir de plus en plus un certain nombre d'ouvrages, un peu de partout, où il y a effectivement un certain nombre de personnes qui proposent de cultiver avec les plantes. Hein. Donc ça, c'est cultiver avec la Lune, ce sera plus simple. Effectivement, pardon. Non, mais j'ai senti un espèce de remous, donc il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, de cultiver avec la Lune. Alors ça, ça fait partie des grands mythes, des grandes légendes, en fait, qu'on retrouve un peu de partout. C'est la même chose que le loup-garou, est-ce que la Lune fait pousser les cheveux, etc. Donc, alors, à la limite, on pourrait tout à fait en rire. C'est pas très très grave en soi. C'est une légende. Tout le monde peut y croire. Comme le horoscope, personne ne le prend vraiment très au sérieux. Sauf que on s'aperçoit que dans ces livres, ça sert en fait de départ à plein d'autres choses. On a des dérives dans ces livres. Moi, j'en suis tombé. Enfin, je suis un peu fan de cette problématique parce que j'achète tous les livres chaque année. Alors, malheureusement, j'entretiens quelque part un peu cette économie-là. Mais je m'aperçois qu'à l'intérieur, après, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On mélange tout. On met de l'horoscope dedans. Et à partir de là, on diffuse une espèce. Il y a beaucoup d'arguments scientifiques qui sont dedans. Quelquefois, on sort des phrases de contexte de certains scientifiques qui vont ensuite lutter contre ça. Et finalement, on n'est pas très très loin de l'histoire des frères Bogdanov. Hein. On est tout à fait dans cette histoire-là. Et donc, pour nous, on se dit qu'à un moment donné, il faut qu'on allume des contre-feux, hein, qu'on fasse un contrepoids à ça, et qu'on explique qu'à un moment donné, il faut démontrer que soit il y a des études sérieuses qui se sont penchées dessus et qui ont montré que ça n'avait pas d'effet, parce qu'il y a des personnes qui peuvent y croire et qu'à partir de là, s'ils y croient, ils sont susceptibles de tomber dans une forme de piège. Récemment, au Planétarium, on a eu une conférence sur Planck, sur les derniers résultats de Planck, et on a eu un monsieur qui est arrivé, ma foi très sympathique, mais il est arrivé avec un cortège d'une dizaine de personnes, donc c'est là où j'ai un peu tiqué. Il est venu me Donc, dès qu'il a su que j'étais le directeur, il est venu me présenter un bouquin en me disant que, grosso modo, il avait une nouvelle théorie pour expliquer la formation de l'univers. Très bien. Ce monsieur-là, il avait en fait les 10 personnes qui étaient autour de lui. Il y avait un photographe. Donc, il avait son photographe attitré. Et puis, c'est un gars qui, en fait, mélange tous les concepts scientifiques et qui est capable Tout simplement, c'est un gourou, hein, c'est le début d'une secte, ça commence comme ça, avec 10 personnes, et puis on ne sait jamais d'où ça finit. Et ce monsieur, ben, il a posé des questions, et effectivement, il est très très fort, parce qu'il a une bonne culture scientifique et technique. Il a une très bonne culture scientifique et technique. Il est tellement bon là-dedans, c'est un très bon orateur, ben, ce qui fait qu'il y a des gens qui le croient. Et il s'oppose aux scientifiques, il s'oppose à la communauté scientifique, mais sans argument, en mélangeant tout. Et c'est là où on se dit qu'il y a un risque potentiel, et un risque qui va s'accroître dans les années à venir, puisque ben, nous, on est. C'est pour ça aussi que le planétarium a une utilité sociale. On s'aperçoit que dans les quartiers, effectivement, ben, il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles de tomber dans ce piège-là. Ok, merci beaucoup. Et donc, ma deuxième question qui n'a absolument rien à voir, c'était vous disiez que du coup, votre seule pression, c'est de faire des publications, mais vous disiez aussi que ce n'est pas un lieu de recherche. Alors, je me demandais en fait quel était l'objet des publications, du coup. Je n'ai pas parlé de publications. Ah bon ? Ah, j'ai compris ça. Ah, non, c'était faire le plus de public. Oui. D'accord, pas de publication. Mais à coup le pas. Merci beaucoup. Juste une question, Alan. Je me demandais si vous aviez réussi à faire quelque chose pour l'éclipse hier, parce qu'avec les directives de l'éducation nationale, la plupart des enfants des écoles primaires se sont retrouvés enfermés. Alors moi, je suis prof en lycée, donc j'avais un peu plus de latitude. J'ai pu faire voir un petit peu ce soleil caché par la lune et par les nuages, mais du coup, ça se voyait encore mieux. Mais j'ai quand même des élèves qui, à cause de ces directives qui étaient extrêmement angoissantes, se sont retrouvés avec un parapluie pour se protéger de la lumière du soleil. Je me demandais si le planétarium avait réussi à convaincre peut-être un peu les écoliers et les écoles et les inspecteurs de Vaux-en-Velin pour les faire sortir et pas les enfermer encore plus que ce qu'ils ne sont dans leur absence de connaissances. Ouais. On parle d'obscurantisme, je crois que c'est enfermé dans les classes. Enfin, c'est... Pour moi, c'est une collaboration d'éducation nationale à l'obscurantisme qui est insupportable. Quoi. J'ai été très en colère, comme toi, toute la semaine. J'ai pesté, on a fait un certain nombre d'articles sur LinkedIn, Facebook, dès qu'on a pu relayer l'information. On a vécu les 72 heures avant l'événement de façon complètement folle. Il y a un téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, des gens qui nous harcelaient pour avoir des lunettes. Il y a même quelqu'un qui nous a dit « Vous ne vendez pas de lunettes, eh ben, vous ne méritez pas de vous appeler Planétarium ». Bon, bah, écoutez, oui, soit, c'est très bien. Donc, on avait fait le choix, déjà, de ne pas vendre de lunettes, parce qu'on estimait qu'on n'avait pas à avoir un rapport mercantile par rapport à ce phénomène-là. Ça, c'était important, parce qu'on a travaillé avec l'Association française d'astronomie, et pour nous, on a distribué des lunettes sur des lieux d'observation. On a envoyé des lunettes, notamment dans les écoles. Toutes les écoles de Vaux-en-Velin ont reçu un lot de lunettes. Alors, je ne vais pas me mettre de... je ne vais pas être dans l'auto... congratulations, on a sauvé deux carnavals qui devaient être organisés le vendredi matin. Et typiquement, des enseignants qui nous appellent en disant « on va annuler ». Alors on va annuler par la pression des parents, parce que les parents avaient peur d'une force magnétique spécifique ce jour-là. Et donc j'ai dû faire... Alors c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Ça ne m'était pas arrivé même en 99. Il a fallu que je fasse un mot. Alors j'avais presque... J'aurais dit, mais je vais signer avec mon sang, si vous voulez, pour leur dire qu'il n'y avait aucun danger pour observer... Enfin, pour sortir pour le carnaval, il n'y avait aucun danger pour le faire. Et les deux carnavals ont été maintenus. Donc on a fait, nous, un message de prévention dans toutes les écoles qu'on connaissait. On a été complètement sidérés par la circulaire... effectivement, qui a été publié. Il y a l'Académie de Toulouse qui a enfin pris le courage de publier un contre-feu, comme je parlais de contre-feu tout à l'heure, pour dire non, justement, c'est une occasion rêvée de pouvoir faire ça. Il y a un astronome, Hervé Dole, qui a publié dans Le Monde une chronique pour dire justement, sortez les enfants des classes, il suffit de prendre une boîte à chaussures, de faire un trou pour pouvoir observer ce phénomène. Mais effectivement, même dans la classe de mes filles, j'ai eu l'enseignant d'une de ma plus jeune fille qui m'a dit les mêmes propos. Je lui ai dit, mais enfin, mais c'est pas possible. Enfin, à un moment donné, vous êtes quand même les personnes les plus éclairées dans notre... Enfin, faites partie des personnes les plus éclairées dans notre société. Vous ne pouvez pas tenir ce langage et tenir une posture complètement différente juste après. Malheureusement, c'est l'ouverture des parapluies, c'est exactement ça. Ça vient à la fois des enseignants, mais surtout des cadres de l'éducation nationale qui ont dit, on ne prend aucun risque parce que s'il arrive un danger, c'est des questions d'assurance, etc. Et c'est ça qui devient dramatique, alors que les mêmes gamins qui sont dans la cour d'école et qui vont jouer à observer le soleil le 14 juillet, enfin n'importe quel jour de l'année, ont beaucoup plus de risques que ce jour-là. Mais effectivement, on a mené trois opérations à Saint-Gilles-Laval, à Bellecour et à Vaux-en-Velin. Donc on a occupé les trois lieux publics. Moi, j'étais à Bellecour parce que c'est là où on s'attendait à avoir plus de monde. On a eu 600 personnes à 9h du matin, sous une pluie battante, et on a cru qu'ils allaient nous égorger parce qu'on ne donnait pas les lunettes. On nous a dit, par exemple, mais moi, sans lunettes, comment je vais chercher mon enfant à l'école ? Il a dit, mais surtout, mettez pas de lunettes. On va avoir plus d'accidents. Il a dit, mais imaginez les chauffeurs de TCL avec des lunettes. Ça va être un carnage. Et on est dans l'irrationnel. Voilà. Et ça, bah, c'est vrai que l'irrationnel, ça rejoint pourquoi il faut des... Alors, pas que des planétariums, hein. Il faut aussi que les scientifiques soient présents, fassent des conférences, etc. Il faut qu'on soit aussi dans les marchés. Pourquoi on fait des opérations comme ciel le marché, ciel le quartier ? Tout simplement parce qu'il y a aussi un non-public. Je n'en ai pas parlé. Mais dites-vous qu'il y a un non-public, un public qui ne viendra jamais dans les conférences, qui ne viendra jamais dans un certain nombre de manifestations parce qu'ils ont un rapport à la science qui est un rapport compliqué. Pour eux, il y a eu un rapport d'échec quelquefois à l'école. Et il faut qu'on aille vers ce public-là. Quand on va dans les places de marché, c'est pour ça. On suit. Alors, ce n'est pas nous qui avons innové. Hein. Sur ça, j'ai repris des exemples à Dijon, parce qu'à Dijon, ils sont allés encore plus loin. Dans tous les marchés, ils ont créé un étal, l'étal des sciences, et c'était organisé avec l'université. Et donc, à tour de rôle, c'était des scientifiques qui venaient et qui avaient un étal à côté de l'étal d'oranges, de fruits, de légumes, etc. Et ils parlaient. Et j'ai trouvé ça, cette chose-là, complètement extraordinaire. Et il y avait des propos, j'en ai suivi plusieurs, il y a eu des échanges qui sont formidables. Il faudrait qu'on arrive à créer ça, mais encore faudrait-il que les scientifiques soient reconnus aussi dans ce rôle-là. Parce que bien sûr, ils ont une obligation de transmission de savoir, mais on sait tous que malheureusement, dans leur carrière, c'est pas toujours valorisé comme il faut. Et il faudrait qu'on arrive, moi je travaille beaucoup avec les présidents d'université, là on vient de décrocher une convention avec l'université Lyon 1, où justement il y aura enfin cette reconnaissance, c'est-à-dire que lorsqu'un astronome viendra au planétarium de Vaux-en-Velin discuter avec des élèves de lycée, une heure passée devant le lycéen égale une heure d'enseignement devant des étudiants. Voilà, c'est enfin reconnu. Mais il faut travailler sur ça, parce que tant qu'on n'aura pas ça, malheureusement, c'est toujours un peu les mêmes qui se mobilisent et pas d'autres. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens. Et je vous avouerai que pour le 21e siècle, je ne suis pas très optimiste au vu de ce qui se passe actuellement. Donc on a intérêt de travailler quand même sérieusement cette question. Mel, juste répéter ce que tu as dit, parce que tu n'avais pas de micro. Donc tu disais qu'il faut travailler sur la formation des enseignants également, parce que le fait de relayer cette directive sans la critiquer... Bah oui, c'est quand même choquant que dans une formation, des étudiants qui vont être profs à l'école primaire, il n'y ait pas ça. Quoi. Enfin, je comprends qu'on n'ait pas tous des formations scientifiques quand on veut être instit, ça c'est connu, mais quand même, c'est la base. Après, on a des gamins au collège, au lycée, qui viennent avec des idées préconçues qui sont fausses. Bon, après, nous, on reconstruit derrière, mais c'est pas normal, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je suis choquée. Donc, je sais pas si vous faites des actions auprès... Alors, non, pas... Alors, on est, nous, dans le champ de l'éducation populaire. Hein. C'est-à-dire que le planétarium ne se pose pas dans l'éducation formelle. On travaille avec eux. C'est vrai que ce n'est pas notre prérogative de former des enseignants. On est bien sûr très ouvert sur ça. Je vous avouerai, quand je vous dis un peu pessimiste, lorsqu'on fait, par exemple, des demi-journées d'ouverture où on invite les enseignants à venir voir notre programmation, on a tout au plus 20 enseignants qui se mobilisent. Donc effectivement, il y a une vraie problématique sur ça. On a des enseignants qui viennent par exemple au planétarium en se disant en une heure et quart, je fais tout mon programme d'astronomie. Bon, partant de là, on a dit c'est un peu court, une heure et quart pour faire toutes ces séances d'astronomie quand même de l'année, c'est quand même un peu court. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit à la fois, c'est-à-dire qu'il faut les accompagner, il faut être dans la force de proposition pour pouvoir travailler sur ces sujets. Moi, je me souviens d'une conférence qu'on a menée avec le directeur de l'Observatoire de Lyon dans un lycée sur le thème science et religion, et on avait quand même un lycéen de terminale qui pensait qu'Adam, en fait, mesurait 32 mètres. Et que l'évolution de l'homme, en fait, l'homme était de plus en plus petit. Alors, on a eu du mal à comprendre. Il se trouve que le directeur de l'Observatoire de Lyon est soufi. Et il a dit, moi, je sais de quoi tu parles. En fait, dans le Coran, il est dit que ces personnages étaient grands. Et lui, il avait interprété comme étant vraiment grand, physiquement. Donc, pour eux, il y a eu une génération de géants. Et puis, l'évolution, c'est des hommes de plus en plus petits. Voilà. Terminal. Quelqu'un qui était parfaitement... Enfin, il n'y avait aucun souci dans son intégration. Hein. C'est pas pour prendre la défense du terminal, mais il y a des terminales pro ou des terminales, je pense, au STMG. C'était un bac général. Hein. C'était un bac général. Bac général, ouais. Ah ouais, non. Ouais. non, pas dans ce cas-là. Bah, après, les filières ESL, ils ont des cours de sciences, mais bon, ils ne prennent pas du tout au sérieux et on n'aborde pas spécialement l'astronomie, on en voit en seconde. Ouais, enfin, c'est bizarre. Enfin, là, c'est même plus de l'astronomie. Hein. Enfin, pour non, moi, voilà, on est dans des conceptions et des représentations. J'aurais pu comprendre, mais ouais. Bon, c'est vrai que c'est bizarre. Quoi. Très bien. On va peut-être prendre deux dernières questions, mais rapidement, peut-être. On doit quand même conclure. L'heure tourne. On a dépassé l'heure de fin. Donc, moi, ma question, en fait, c'est que vous avez parlé du fait de faire venir au planétarium des philosophes, des artistes, etc. Moi, je me demandais un petit peu comment vous organisiez la rencontre entre les scientifiques et puis ces autres disciplines, parce qu'on sait qu'en France, on est quand même dans une université qui est extrêmement attachée à la disciplinarisation. Enfin, bon, c'est difficile de créer ces passerelles, et notamment entre les sciences dites dures, ça se passe pas trop mal, mais alors dès qu'on part à l'extérieur, c'est souvent difficile. Donc, je me demande. Comment est-ce que vous organisez un peu la rencontre de ces disciplines? Est-ce que c'est uniquement dans un rapport d'illustration de la science, ou est-ce qu'il peut aller plus loin par rapport à la rencontre et au contact entre ces disciplines? Alors, vous faites bien de le dire, c'est le mot juste, c'est l'illustration, c'est justement, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est pas de prendre un artiste pour illustrer un travail scientifique. Et je donne souvent l'exemple inverse, c'est-à-dire un scientifique qui va se grimer et qui va se mettre en scène et qui, du coup, va mimer quelque part le travail artistique. Donc, il s'agit vraiment de confronter les deux recherches, la recherche artistique et la recherche scientifique. Vous le dites très bien, c'est le plus dur, c'est d'arriver de trouver des temps pour que cette discussion puisse se faire. Alors bien évidemment, il y a des temps courts, c'est le format classique des conférences dans lequel on va essayer de préparer les choses, on va mettre les gens en relation, mais souvent c'est trop court parce que même s'ils dialoguent 3-4 fois par mail avant la conférence, ben souvent, malheureusement, la conférence se fait après, au moment du repas, juste après la conférence. C'est là où il y a les choses les plus importantes, parce qu'une fois que la glace est rompue, ben là, la parole se délie. Donc c'est pour ça aussi qu'on a le dispositif incubateur, parce qu'on sait qu'il faut du temps pour le faire, mais on établit bien des règles au départ. On dit bien, attention, lorsqu'on invite des artistes et des scientifiques, alors il faut déjà les choisir, ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut que les deux soient ouverts au dialogue. Certains ne le sont pas, certains artistes ne le sont pas, certains scientifiques ne le sont pas non plus. Et donc ça se fait un peu au coup par coup, au fur et à mesure de nos recherches. Alors maintenant, on est assez identifié, donc on grouille dans pas mal de lieux, donc on repère des gens qui sont susceptibles de le faire. Et ça se passe relativement bien. Et l'idée, effectivement, c'est... tout à l'heure, je parlais de friction, c'est ce qui se passe à l'interface entre ces deux mondes-là, c'est ce qui est le plus intéressant et qui produit tout un tas de choses. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, vous m'avez entendu dans la présentation, j'ai dit « Art science, attention », parce qu'Art science, aujourd'hui, on nous en rabat les oreilles, mais souvent, pour moi, ce n'est pas véritablement un vrai dialogue art et science. On pourrait ajouter art science, philosophie, hein, c'est la même chose. Enfin, la même chose, ça concourt au même objet. Moi, je veux qu'il y ait un équilibre dans ce dialogue-là. Et effectivement, c'est le plus délicat de le faire. Ça veut dire aussi qu'il faut... il faut des temps d'échange, des temps de dialogue où nous, on est quelque part un peu des modérateurs. On est garant de cet équilibre-là parce qu'on peut tomber dans un sens comme dans l'autre systématiquement. Je crois qu'on avait encore une question ou un commentaire. Voilà, à gauche. Oui, vous avez pas mal parlé de l'absence de connaissances des gens avec l'exemple de l'élève de terminale, de l'obscurantisme, mais plus précisément, je me posais la question par rapport aux croyances spécifiquement religieuses. Est-ce que vous n'avez pas souvent des gens... Parce qu'il y a une différence entre ne pas savoir parce qu'on n'a pas reçu l'éducation qu'il faut pour comprendre scientifiquement les choses et être spontanément hostile à la science à cause de croyances religieuses. Et comment vous gérez ça, si ça vous arrive souvent, je ne sais pas. Alors, c'est une très bonne question. On répond à la question du comment, pas forcément nous à la question du pourquoi. On reçoit beaucoup d'écoles coraniques, par exemple, qui viennent typiquement le dimanche matin, parce qu'ils ont cours le dimanche matin, et donc on reçoit des groupes entiers d'écoles coraniques, mais on reçoit aussi les formations des prêtres. Et donc vous avez, de temps en temps, dans l'exposition, vous avez une vingtaine de personnes avec des chasubles noirs, un petit col blanc, qui sont là et qui viennent. il faut bien vous dire quand même, les personnes qui viennent au planétarium sont des gens qui sont forcément ouverts à ces questions-là. On ne les a pas forcés, ils viennent dans une démarche qui est volontaire. Donc je dirais, ce public-là, c'est, je dirais, quelque part, est déjà ouvert sur ces questions et prêt au dialogue, et ils ne sont pas dans une hostilité. On a quelquefois plus le cas pour des astrologues ou pour des gens qui se sont fait enlever par des ovnis, où là, ça pose un peu plus le problème. Mais pour ceux qui sont des religieux, ceux qui viennent, en tout cas, sont des gens qui sont très, très ouverts sur ces questions. Ça peut poser question lorsqu'on va, par contre, dans l'espace public, dans les quartiers, et qu'on va parler à ce moment-là à ces publics-là, à un moment donné. Ben là, quelquefois, on a des situations de rejet, d'hostilité. Ils ne viennent pas parler avec nous. Ils s'en vont. Bon. On n'a aucune obligation, enfin, on n'a aucun moyen de pouvoir les retenir. Donc ça, c'est une vraie question, en tout cas, qui nous habite, mais on ne sait pas y répondre. Et ben, là où on fait le pari, c'est déjà d'occuper cet espace, d'être présent, parce que ça permet peut-être à ceux qui sont entre deux bah de ne pas basculer du mauvais côté de la force, hein, peut-être de rester du bon côté, et de discuter avec eux. Ensuite, des personnes qui ne veulent pas discuter et qui rejettent tout d'un seul bloc, je dirais, on n'est pas là, on ne peut pas répondre à tous ces mots, malheureusement, et je dirais même on est un peu désarmé par rapport à ça. Très bien. Mais s'il n'y a pas d'autres questions... Ah si, on a une dernière, ce sera la dernière question. Oui, c'était juste pour souligner. Je déplore un peu, comme la personne derrière moi, qu'on n'ait pas entendu parler de vous. Je ne savais pas qu'il y avait un planétarium avant Envelin, avant de vous voir là. Alors que des planétariums comme Montpellier ou bon, Toulouse, avec la Cité de l'Espace, on n'en parle pas. Et je tenais juste à souligner, à dire merci, parce qu'en plus, ça a l'air d'être un planétarium que je qualifierais de social, où ça donne, il n'y a pas qu'un dôme avec des étoiles. Ça donne l'image d'un dialogue scientifique autour, et vous avez l'air d'aller chercher les gens. Du coup, j'ai peut-être pas l'impression que le Grand Lyon vous supporte pleinement, pour ne pas avoir entendu parler de vous jusqu'alors. Voilà, je vous souhaite bien du courage et je voulais juste dire merci. Alors, juste pour revenir pour ça, tout à l'heure, dans les propos introductifs, je disais qu'on était un équipement municipal. Pas pour rien, ça signifie que vous pensez bien qu'on n'a pas une économie derrière et des budgets qui nous permettent effectivement d'assurer une communication à la hauteur de l'Aquarium de Lyon, par exemple, qui est un établissement privé. C'est-à-dire que je ne peux pas me payer des flancs de bus, des communications dans le métro. Et du coup, si je le fais, avec le budget que l'on a, qui est quand même un budget confortable, hein, je ne vais pas non plus pas dire le contraire, ben, ça serait au détriment des actions que l'on mène. Donc c'est un choix qu'on a fait de se dire de calibrer aussi l'équipement pour 90 000 visiteurs aussi, pour pouvoir mettre le maximum de l'argent que l'on possède dans les actions et dans l'accompagnement des actions et non pas dans la communication. Voilà. La scientifique de Lyon est quand même relativement grand. J'habite à côté de la Doire, mm-hmm. L'INSA, le CNRS, il y en a quelques-uns. J'ai pas vu vos posters. Ben après, si vous voulez, il y a le Grand Lyon qui, effectivement, on mène un travail depuis très longtemps pour dire justement que le planétarium, c'est le planétarium du Grand Lyon. Après, c'est du découpage administratif. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais après, c'est compliqué. Il y a la région qui nous soutient assez fortement là, depuis quelques années. Mais effectivement, le Grand Lyon, aujourd'hui, a une vision culturelle qui est très auto-centrée sur le centre-ville de Lyon. C'est très central et ils oublient un tout petit peu qu'il y a des gens aussi qui habitent un peu en périphérie et que la culture, si on met toute la culture au centre des centres-villes, ben ça signifie qu'on fait des zones dortoirs en périphérie. Et malheureusement, ben on n'est pas forcément entendu dans ce discours-là. Et ça, c'est un vrai positionnement politique, hein. C'est un combat aussi qui est mené. Et nous, effectivement, on y croit parce que c'est... Voilà, il ne suffit pas de mettre tous les équipements au centre-ville. Il y a des personnes qui ne vont pas au centre-ville et qui n'iront jamais. Voilà, et qui habitent dans ces quartiers. Et ce n'est pas 10, 20 personnes. C'est quand même des centaines de milliers de personnes qui habitent aussi en périphérie. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça a l'air d'être un projet effectivement formidable, animé avec beaucoup de passion. Et ça donne envie de faire un petit détour. Je suis sûr qu'on va se reparler très bientôt. En tout cas, un immense merci, Simon Meyer. C'était vraiment passionnant. Et je passe maintenant la parole à David Loureiro pour la conclusion de cet événement. Alors, je vais essayer de ne pas faire très très long. Déjà, dans un premier temps, je voudrais vous remercier d'être venus très nombreux. On en parlait encore avec David. J'avais un peu peur qu'on se retrouve à 10 en train de discuter entre nous. Bon, ça aurait été sympa, mais moins qu'avec vous. Donc merci en tout cas d'être venus. Vous avez vu, on a eu des sujets très variés. Je ne vais pas les répéter, mais il y en a certains qui nous ont bien fait rire, même si c'était très très sérieux. N'hésitez pas à aller sur le site de Lyon Sciences, vous allez y retrouver tous les dossiers. Il y a eu un gros travail pour préparer tout ça. On a fait de la peer review pour avoir quelque chose de sérieux. C'est disponible sur le site. Merci David de l'avoir fait. Donc vous pouvez tout retrouver si vous voulez revoir des sexes de Lyon tout ça, ou des coprolites. Je voudrais remercier Simon parce que je pense que ça a été une intervention qui était géniale. Ça nous a permis de découvrir aussi, pour ceux qui ne connaissaient pas encore le planétarium. Merci Simon d'être venu. Et puis j'en profite pour parler aussi de la nuit de l'équinoxe. Parce que. Ah, bah tant pis. C'est dommage. Je voudrais aussi remercier les intervenants parce que. Tout le monde n'est pas de Lyon, tout le monde a pris le temps de participer à ça, c'est quelque chose de totalement bénévole. C'est un vrai gros travail qui a été fait. Martin, déjà, de l'avoir remercié, parce que c'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui on est tous là. Donc dites merci à Martin en l'applaudissant très fort. Vous risquez d'applaudir très souvent hein, dans les quelques minutes qui vont venir. Vincent et puis David aussi, parce que ce matin, on a eu la chance de faire du géocaching et pas du géocaching ou du géotagging. On a eu la chance de faire ça. Ça nous a fait découvrir le parc de Gerland et une activité qu'on ne connaissait pas pour la plupart d'entre nous. Donc, merci à vous. Lyon Science, c'est pas que les gens qui sont là, que vous avez entendu ou que vous avez vu s'affairer pour faire de cet événement un relatif succès, je trouve quand même. Il y a des gens comme Alexander Brown qui ont participé mais qui n'ont pas pu faire venir avec nous. Damien Loiseau qui nous a permis de rentrer en contact avec Simon. Pour ces gens-là, un petit coup d'applaudissement, peut-être qu'ils nous entendront plus tard. Lyon Science, ça n'aurait pas été possible non plus sans le Café des Sciences. Parce que Lyon Science, c'est un événement du café, de plein de gens du café. On a la chance d'avoir le président et le vice-président. Et puis plein de gens du café, Vincent, Martin, en plus de Nico, Alan et Pierre. Donc merci au café. Et puis n'hésitez pas à aller voir le site. Oui, moi aussi. Ouais, c'est et puis vrai. On précise peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas, donc le Café des Sciences est un collectif de blogueurs de sciences. C'est disponible sur l'Internet mondial à l'adresse café-science.org. Et c'est une super façon de continuer de suivre ce que fait Pierre, ce que fait Vincent, ce que font les gens de Podcast Science, ce que fait Martin sur son blog. Si vous avez envie d'avoir un peu de science dans votre fil Twitter ou dans vos différentes mailings, allez-y, vous avez plein de choses super intéressantes. Émilie, qu'on a vu aussi, qui n'a pas pu rester avec nous, fait aussi partie du café, elle fait plein de choses super bien, donc jetez-vous-y dessus, je ne sais pas si ça se dit. À Lyon, ça doit se dire. Vous avez vu des super dessins, ça a été l'œuvre de Mel et de Nico qui font partie de Strip Science, donc un des autres multiples projets que Pierre a lancé et qu'il a mis en place, donc merci à Pierre, merci à Mel et merci à Nico. Pour ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui nous écouteront en direct ou à distance, tout ça, c'est grâce aux petites mains des gens de Podcast Science qui sont à côté de nous. Donc, si tout l'Internet mondial est capable de nous écouter, c'est grâce à eux. Donc, merci à Podcast Science. Alors, si vous avez besoin de louer les salles gratuitement, c'est grâce à l'ENS qu'on a pu être ici. Donc, on peut vous filer les contacts. Il n'y a pas de problème. Non, mais merci à eux. Ça n'a pas été évident de trouver des salles. Vincent s'est démené pour trouver une salle à l'Université de Lyon. Ils lui avaient dit oui, et ils lui ont dit non. Donc, grâce à Martin, on a pu être ici. Donc, merci à vous deux d'avoir pu travailler sur ces aspects-là. Et puis, merci à l'ENS de nous avoir accueillis aussi. Je ne sais pas comment vous nous avez connus, si c'est à travers des flyers, des affiches, des logos, des comptes Twitter, etc. Tout ça, c'est fait grâce à deux personnes, notamment à Mel et Puyo. Donc, ils nous ont fait des super logos, et des super affiches et des super flyers. C'est très, très joli. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, même s'ils ne sont pas là, enfin, Mel, elle est là. J'ai l'habitude de dire qu'elle n'est pas là tout le temps, mais si, elle est là. Donc voilà, merci à eux pour tout ça. Les flyers, c'est David qui nous a permis de les avoir à travers sa boîte RM Étiquette. Donc merci à toi. Ça a été un vrai sport de les distribuer. Notamment, merci à Madame Déjanté d'avoir poussé Marthe, d'être venue chercher 450 ou 500 flyers pour qu'il les distribue. Et puis aussi, si vous avez une pause, c'est grâce à elle et grâce à Martin. Donc merci à eux. Alors bien sûr, tous ces gens-là, quasiment tous, hein, on a tous des comptes Twitter, n'hésitez pas à les suivre, vous apprendrez plein de choses sympas, ou pas, mais ça vaut le coup de les suivre. En plus, il y en a qui sont en manque de followers, donc il ne faut pas hésiter. Participer à l'organisation Lyon Sens, ça n'a pas été de tout repos, ça fait quand même quelques mois qu'on est dessus, mais bon, vu la façon dont l'événement s'est déroulé, je peux être que fier du travail qu'on a tous accompli. Ça a été un vrai plaisir pour moi de travailler avec tout le monde. Ça a été un bon bordel. Ça n'a pas été évident tout le temps, mais en tout cas, ça s'est bien passé. On a tous des activités professionnelles, associatives, personnelles très prenantes. Mais écoutez, je pense que si vous êtes content de l'événement, bah, on peut tous être content d'avoir travaillé là-dessus. Ça, c'est un espèce de logo tout pourri que j'ai fait moi avec Paint. Mais l'idée, je pense, partagée par tout le monde, c'est de recommencer l'année prochaine. Donc bah écoutez, si vous avez apprécié, bah, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à suivre le site, le compte Twitter, le compte Facebook de Lisez la Science. Vous en apprendrez plus. Ouais, c'est pas top. Et puis on va peut-être rester encore un petit peu, mais pas beaucoup, dans la salle, parce qu'on l'a plus pour très longtemps. En tout cas, si vous avez envie d'échanger avec nous, bah, n'hésitez pas, ça sera un vrai plaisir. Et puis bah, merci d'être venu, et puis à bientôt.